put it in my wallet, hoping I see your face again. Salut, c'est Bichette, réalisateur de l'émission de Coé. Bonjour Coco. Tu sais, dans l'émission, tu poses plein de questions. Oui. Et donc, tu dois penser aussi à plein de choses. Donc, c'est normal que tu ne te souviennes pas forcément de toujours tout, tout. L'homme qui oublie le plus vite au monde. Où est la demoiselle qui était, j'avais repéré tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Quel est votre prénom? Florence. Ça va, Florence? Très bien. Comment tu t'appelles, belle enfant? Florence. Toujours. Toujours. Elle a déjà dit Florence? Elle a déjà dit oui. Faut répéter au monsieur. C'était l'homme qui oublie le plus vite au monde. Une minute trente. Bande de ouf. Enfermé dans un studio, vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est le Before de Noël. Des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab, avec Maria Carré en plus. Merry Christmas, everyone. Bonjour à tous. Bienvenue sur Énergie, nouvelle semaine, la dernière avant Noël. J'espère que ça y est, vous avez prévu les cadeaux. Nous allons essayer de faire en sorte que ce soit pour vous la dernière ligne droite avec des sous dans le portefeuille pour que vous puissiez vous faire de très jolis cadeaux de Noël. Il y a 10 000 euros évidemment à gagner tout à l'heure. Je mets deux enveloppes à 1 500 en plus. Ouh. Allez. Je vous l'ai dit cette semaine. C'est pas la semaine des économies pour Jean-Paul. Le pauvre. Aujourd'hui, ça me coûte cher, ces économies. Donc, il y a des enveloppes à 500. Mais que Jean-Paul se rassure, il y a une enveloppe à 1 euro aussi. J'ai tout à l'heure, 7, 10, 12 par SMS. Ouais, enfin, 1 euro, c'est 1 euro. Il croise les doigts dans son bureau. Ouais, c'est quand même 1 euro. Même si j'ai gagné 1 euro, ah ben, c'est pas lui qui les paye. Donc, je rappelle que vous allez pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS. En mettant Coé au début de votre message. Je vous appelle tout à l'heure. Choisissez la bonne enveloppe sur la bonne personne et gagner le montant de l'enveloppe. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Est-ce que le week-end était bon? Plutôt. Oui. J'ai promis d'embrasser tous les gens de Rouen. Nous avons fait deux one man ce week-end, qui est un public extraordinaire. Ça s'est bien passé. Samedi, oui, magnifique. Ils ont bravé le froid. Ils ont bravé la pluie verglaçante, oui. Parce que je vous assure, c'était Holiday on Ice. Moi, j'ai cru qu'ils ne viendraient pas. Le théâtre était blindé et c'est un public extraordinaire, les Normands. Donc, ils sont chauds. Un gros bisou, c'était fantastique. Il y a plein de messages, il paraît, sur tous les réseaux sociaux, partout. Donc, merci beaucoup. Ce week-end, c'est complet à Lille. Je suis ravi. Et puis, on va continuer comme ça, le one man un peu partout. J'ai plein de surprises dans l'émission. On aura le Zap Télé de Miko. De quoi parlerons-nous, Miko? On parlera des Miss et puis des petits problèmes techniques qu'il y a eu dans Balance Compost et BFM TV. Alors, on reparlera également des Miss tout à l'heure, hein, parce qu'on a d'abord un son normal. Avec une Miss tout à l'heure. C'est quoi le petit souci avec cette demoiselle? C'était, elle a répondu à un QCM en fait et cherchait à quoi correspondait le mot hippique. Voilà. Eh oui. Ah ben il y a des fois les transfuges, les anges, les miss, les anges. Des fois ça saute une classe. Hein. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Nous aurons les champions du monde de l'actu à ne pas rater avec dans quelques minutes le retour de deux vedettes à l'américaine. À ma gauche, Benalla. À ma droite, Jawad, le mec qui héberge un type qui n'est pas terroriste, mais qui ne savait pas qu'il était terroriste, voilà. Mais qui ne le savait pas non plus. On en reparle, je vous dirai ça dans un instant. Dans l'actu, plus globalement, le calendrier de l'Avent de l'horreur. C'est le calendrier de l'Avent de l'horreur qui est arrivé à une demoiselle. Je vous expliquerai tout ça, les chiffres de Pornhub qui sont des chiffres. Alors, ah, c'est hallucinant. Alors moi, qui ne vais jamais sur ce genre de site, je suis effaré. C'était effarant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Je vous rassure, nous aurons les chiffres, pas les noms des gens qui regardent, donc soyez tranquilles. Vous qui nous écoutez sur Énergie, des nouvelles de Lenny Kravitz. Ah, Lenny Kravitz, magnifique. Pro, mais crade, on en parlera tout à l'heure. Ah, c'est un petit peu le Johnny Depp du rock'n'roll. Nous aurons les messages les plus originaux laissés au Père Noël devant les maisons. Je vous lirai tout ça tout à l'heure, c'est vraiment à mourir de rire et trop mignon. Et nous aurons tout à l'heure le top 10 des SMS des ex. Alors vous savez, souvent, quand on a son ex, souvent l'ex, que ce soit fille ou garçon, ça marche pour les deux, vous renvoie un message. Oui. Et j'ai non seulement les plus beaux messages arrivés, mais les plus beaux messages répondus. Ce sont des captures d'écran, mais vous allez halluciner de ce moment. J'aurai tout à l'heure, nous reviendrons sur les gilets jaunes. Alors vous avez vu, il y a cette histoire de doléance. Vous avez vu, donc c'est le mot qu'on a beaucoup entendu ce week-end. C'est le beau mot. Oh, je vous le résume en deux mots. Vous avez été des milliers à bloquer les routes, à venir sur les Champs-Élysées, aller dans toutes les villes de France. Mm-hmm. Et donc, vous vouliez avoir des réponses directes. Et ça s'est transformé quelques semaines à vous allez voir votre maire, vous remplissez un cahier, vous mettez une doléance. Ensuite, ils referment le cahier. Dans quelques mois, ils feront des tables rondes pour savoir ce que vous avez voulu. Et ils verront ce qu'ils vont faire de ça. En gros, autant vous dire que vous êtes arrivé dans un sens interdit où il y a un cul-de-sac avec rien derrière. Voilà. C'est absolument hallucinant parce que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent donc vont aller écrire « Je n'ai pas beaucoup d'argent, monsieur le maire ». Monsieur le maire va prendre tout ça. Monsieur le maire va amener tout ça un petit peu plus haut. On fait une table ronde, vous aussi, manque d'argent. Et ça va remonter. Et la conclusion dans un an sera « Les gens ont des problèmes de sous à la fin du mois. Donc, c'est comment perdre un an de plus, mais ça s'appelle les doléances. On en a beaucoup parlé, mais savez-vous tous ce que c'est une doléance ? Nous avons fait, tout à l'heure, ce que j'adore, un téléphone trottoir. Nous avons appelé des gens au hasard en France en leur demandant simplement qu'est-ce que c'est qu'une doléance ? Réponse dans quelques minutes, je crois que vous allez adorer ce moment. Et je vous assure que c'est du 100% vrai. Nous reviendrons sur les supermarchés avec des poissons dans les grandes surfaces qui, paraît-il, ne sont pas au top du top. Ah oui ? Ah, ils ne sont pas pêchés dans la rivière de derrière, visiblement. Ah. C'est pas. Ah non, c'est pas. Donc nous aurons la compile de l'extinction des poissons tout à l'heure. Ouh, joie du lundi. Nous aurons un spécial Miss France, puisqu'il paraît que sur TF1 samedi soir, on a vu quelques poitrines des Miss France pendant qu'elles se changeaient. Geneviève de Fontenay, évidemment, même si elle n'est plus dans le coup, vient quand même gueuler. Ah, c'est normal. Ah bah c'est normal, dès qu'elle n'est pas contente, elle le dit. Et on aura pas mal de surprises, mais on commence par Franck Dubosc. Vous savez que Franck Dubosc, je l'aime beaucoup. Franck a eu le problème de vouloir dire je suis avec les gilets jaunes. Et ensuite, je ne suis plus avec les gilets jaunes, pour dire deux jours après, finalement, je suis avec les gilets jaunes. Ce qui fait que maintenant, le pauvre, à chaque fois qu'il débute un spectacle, il y a des gilets jaunes qui veulent lui parler. Ah ouais. Et alors, quand on vient vous parler d'un truc qui est pas, voilà, vous êtes avant un spectacle, vous essayez de faire plaisir aux 10 personnes qui sont devant vous. Et vous essayez de faire une vanne, vous essayez de. Alors, essayez quoi. On a besoin de vous. Patrick Chirac, il a besoin de vous. Hein. Bah, bien sûr, non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est pas le même. Donc voilà. Bon, on prend la vanne qui vient. Faut pas confondre Patrick Chirac et Jacques Chirac. Bah non. Ouais, alors bon, elle est moyenne, elle vaut ce qu'elle vaut. Ouais, mais il l'a fait deux fois de suite. Moi, il y a eu une confusion avec Patrick Chirac et Jacques Chirac quelque part, non ? Parce que je suis pas. Enfin, pas Jacques Chirac, il est plus. Le pauvre, il est plus là dans le gouvernement. Il n'est plus dans le gouvernement, monsieur. Mais... Ouais, c'est plus des rames, c'est un moteur, là. Mais, non, une fois, elle n'était pas ouf, mais deux, bah, non plus ça. Allez, présentation de l'équipe. Il devait rester à la cool chez lui ce week-end, notre réalisateur, mais finalement, il a décidé d'enfiler son gilet jaune une fois de plus. Pas pour gueuler cette fois-ci, mais non pas contre le gouvernement, mais contre le comité Miss France, parce qu'une nouvelle fois, Miss Bretagne n'a pas été élue. Oh, c'est dégueulasse. Il n'était pas content, c'est inadmissible. Bichette, notre réalisateur. Bonsoir. Elle était comment, Miss Bretagne ? Elle était très jolie. Parce que, autant moi, j'ai fait le spectacle pendant les Miss, et on a parlé au public de Miss Rouen, et j'avais vu Miss Normandie. Et j'essayais, je voulais leur dire. Et il y a eu des gens dans le public qui ont fait oh non, laisse tomber, on gagnera pas. Ah, voilà. J'étais conscient. Je leur ai dit, vous êtes conscient, c'est ce que je voulais. Lui, ce week-end, il a décidé de fabriquer lui-même ses cadeaux de Noël. Ce sera pendentif Pépito pour maman, lampe de bureau fait en canette de coca pour papa. Il a même fait une peluche pour sa nièce. Mais pour ça, il a encore dû raser son chat. C'est Miko qui est avec nous. Notre productrice Stouff a fini ses cadeaux de Noël. Elle aussi, elle a même trouvé une tenue de Free Fight taille S pour son fils. Oui, elle va lui apprendre à cacher des gueules. C'est beau la douceur d'une mère. Stouff qui est avec nous. Ne cherchez plus un seul camembert au lait cru en Normandie, il n'y en a plus un seul. Je vous rappelle que Jeff était avec moi à Rouen ce week-end. Il a tout dévalisé, c'est bon Jeff qui est là. Bonsoir. Et enfin, c'est vraiment gentil de sa part. Il a passé son week-end auprès d'un de ses potes qui était blessé à la jambe pour s'occuper de lui. C'est bien mon Bordas. Et miracle, dimanche matin, son pote s'est levé et s'est mis à courir. Oui, Bordas fait des miracles. Enfin, je pense surtout que son pote en avait tellement marre qu'il s'est barré malgré la douleur. C'est Bordas qui est avec nous. Merci d'être là tous les soirs. Bonsoir. On va revenir sur l'actu dans un instant. Ne ratez pas nos champions du monde de l'actu. Merci d'être plus d'1 600 000 à nous écouter tous les jours. Ça me touche beaucoup. Voici Dadju. On écoutera Prince Karma, Lady Gaga et Guetta. Oh, hein. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Si brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, en famille. Un peu d'amitié, si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. C'est Coé. C'est le Bifort sur Énergie. Tout le monde va devoir remplir son cahier, sa lettre de doléance. Qu'est-ce que les doléances? Savez-vous tout ce que c'est dans l'équipe déjà? Oui, non, dites-le franchement. Hein. Oui, oui, si, si. Oui. Sans problème. J'ai un doute dans ton regard. C'est une demande. J'ai vu le regard de la Miss France avec le truc qui pique. C'est une demande appuyée. Est-ce que la Miss France, elle a dit ça, il pique? C'est quelqu'un qui s'est pas rasé? C'est ça. C'est ça, non, c'est pas ça. Ben, je sais pas. Non, mais ils m'ont pas dit aussi. Les champions du monde de l'actu, on commence, ils sont trois. Premiers champions du monde, ce sont les banques. Le président de la République a demandé aux banques de faire un geste en faveur du pouvoir d'achat des Français, donc de ne pas augmenter les tarifs bancaires pour 2019, ce qui est bien. Oui. Ce qui est bien, ce que les banques ont accepté, ce qui est doublement bien. Mais comme elles devaient augmenter que de 0,5%, ça fait une économie moyenne par Français, attention, accrochez-vous, c'est énorme, de 90 centimes. Wouhou ! Folie, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Allez, je prends le boulard, je pète les plombs, je vais m'acheter un carambar. Oh, cash. Allez, allez, c'est pour moi, j'aurais pas les moyens d'en offrir deux. Je suis désolé. Deuxième champion du monde, le retour d'Alexandre Benalla, vous vous souvenez? Bah oui. Benalla, l'homme qui avait mis le casque de police pour taper sur des manifestants. Oh, il se détendait le petit. Hein. Vous vous souvenez, hein, la photo d'Alexandre Benalla où il pointait son arme sur une serveuse, vous vous souvenez de ça? Oui. Oui, bah oui. Eh bien, devant les juges, il a déclaré que c'était un pistolet à eau et que donc c'était un non-événement. Il a déclaré, ça peut paraître loufoque, mais c'est la réalité. C'est génial. Ah, pistolet à eau. En fait, Benalla, le mec, il doit avoir 8 ans dans sa tête, il part régler le conflit en Syrie avec des nerfs et des costumes de Superman. C'est ça. Mais ce qui est surtout à double sens là-dedans, c'est que le gars, il avait donc un pistolet à eau. Oui. Donc il dit, voyez, c'est pas grave, c'est un pistolet à eau. Ça veut donc dire que le mec qui gère la sécurité du président, il a sur lui des pistolets à eau. Voilà. Alors je sais pas comment il faut le prendre. Ça rassure. Hein. Mais moi je serai Macron, je commencerai à m'inquiéter, je checkerai. Les gars, il a raison, Coco, sortez ce qu'il y a dans vos gueules là. Montrez-moi les gueules parce que. Ah, vous inquiétez pas, il a des claques d'eau. Hein. Ah bah ça va là. Super champion du monde, le retour de Jawad. Le procès de Jawad, vous vous souvenez, le logeur de terroristes du 13 novembre. Il a fait une sortie devant le tribunal, parce qu'il a une grande gueule lui quand même, pour dire qu'il était innocent, mais il a fait un petit lapsus, je vous lis exactement ce qu'il a dit. Si vous me condamnez, vous condamnez un coupable. Voilà. Eh oui. Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Je mettrai le mot innocent pour ne choquer personne. Ah. Il est innocent, hein. Innocent comme un balai, vous connaissez l'expression? Non. C'est quoi? Ou innocent comme ses pieds, tu vois. Ah oui, ça, c'est d'accord. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu es innocent, ce mec-là? C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. We'll be right back.

m'as bloqué et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader, elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je souhaite le meilleur, sans dire un mot, on s'est tourné le dos, comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano, tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera, le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Qu'est-ce qu'on fait, on s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait, on s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Si le 24 à minuit, vous croisez un gros bonhomme tout rouge, pas de fausse joie. Ce sera juste Coé. Allez. Qui refait du sport. Allez. C'est Coé, c'est le Bifort. 17h, 18h sur Énergie. On est sur Énergie. Vendredi, Jennifer sera là. Jeudi, il y aura Rita Ora avec nous. Et ce soir, gilet jauné. Et gilet jauné, on le fait venir. Gilet jauné. Mais il vient. Il s'appelle Cole Johnson, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et il vient nous voir. Ça nous fait très plaisir. Gilet jauné. Depuis le temps qu'on le passe, il faut bien qu'on lui file un petit coup de main et qu'il vienne nous montrer ce qu'il fait. Il paraît qu'il a fait une nouvelle version. Un peu moins politisée, un peu plus. Ah oui, c'est vrai, plus light. Bah, plus on va pas commencer par Macron démission. Mais voilà, maintenant, il faut qu'il fasse un truc peut-être un peu plus adouci. Dans un instant, le Zap Télé de Mico, nous reviendrons évidemment sur les Miss France. 10 000 euros à gagner. Vous voulez des sous avant Noël, vous en avez besoin. Je vous aide et je vous rajoute deux enveloppes à 1 500 euros pour avoir plus de chances de gagner de l'argent. 7, 10, 12 par SMS. Mettez Coé au début de votre message. C'est maintenant que vous devez envoyer vos SMS. Je vous appelle si seulement vous m'avez envoyé un SMS dans moins de 5 minutes. Monsieur Bordas, le hashtag ? Le hashtag, le cadeau de Noël de mon enfance. Faites-vous plaisir sur Twitter. Nostalgie pour tout le monde. Ouais. Pas la radio, les souvenirs. Donc, c'est quoi le hashtag, tu m'as dit ? Le cadeau de Noël de mon enfance. T'as compris ? Oui. Ah, c'est bien. Le cadeau de Noël de mon enfance. Faites-vous plaisir sur Twitter. Deux infos. Dans un instant, je reviens sur les petits mots que laissent des fois les parents sur la porte à l'occasion pour le passage du Père Noël. Ah oui, bien sûr. Oui. Vous savez qu'il vient dans quelques jours, le Père Noël. Donc, il y a des parents qui laissent des petits mots. Mais avant, actu oblige, on a beaucoup parlé de doléances. Donc, vous étiez un gilet jaune, vous étiez quelqu'un en colère, vous n'avez eu l'impression de ne pas être entendu. Eh bien, ça y est, le gouvernement va vous entendre en vous demandant d'écrire vos doléances. Qu'est-ce que les doléances ? Nous avons posé la question. Voici le téléphone trottoir. Écoutez, je vous jure que c'est vrai, c'est sans trucage, on a juste tout mis bout à bout. Si, bon, c'est quand quelqu'un est mort. on dit doléance. Doléance, c'est quand on est... on est... Comment ? Merde. quand on est doléance, quand on est... les doléances, c'est... je sais pas comment vous expliquer. Ah ouais, c'est la nouvelle Dacia, c'est la même voiture que mon frère, c'est la doléance Dacia. C'est quand on est triste ou... Doléance, ben il y a condoléance et doléance. Les doléances, eh bien je me suis jamais posé la question. Ah. On donne les doléances à la famille, les condoléances, alors je pense que doléances, ça doit être à peu près pareil. Une doléance, c'est une demande, une plainte à une personne supérieure. Voilà, c'est bien. Ça. Alors non, effectivement, quand quelqu'un est mort, ce sont des condoléances. Voilà. Ah, c'est des doléances pour les cons. Et alors, la Dacia doléance, il faut qu'on m'en parle. je ne la connais pas, la Dacia doléance. J'ai mais... pas senti. Et la dame, et l'autre, elle cherche toujours, c'est... Oui, bon, bah comme quoi ce mot n'était pas si évident que ça pour tout le monde. Voici les petits messages les plus originaux laissés au Père Noël devant les maisons. Je vous les fais les uns après les autres, vas-y, d'accord ? Vas-y. Père Noël, fais gaffe, j'ai changé la cheminée par un poêle à granules. Tu vas galérer. Quand tu te gardes devant la maison, mets un ticket sur le pare-brise du traîneau. C'est passé à 17 euros. Père Noël ou pas, t'essuie tes pieds avant de rentrer. Oublie pas les factures des cadeaux au cas où je les revende sur le bon coin. Père Noël, je sais pas ce que tu donnes comme drogue à tes rennes pour qu'ils volent, mais je veux bien la recette. Père Noël, garde pas ton traîneau en double fil, les flics arrêtent pas de mettre des prunes ici. Père Noël, je croirai en toi si tu gares en claquant un frein à main devant, l'entrée. Père Noël, si seulement tu pouvais oublier le cadeau de ma sœur, elle me saoule. La violence. Père Noël, au lieu du pull que m'a acheté ma femme, est-ce que tu peux l'échanger contre du vin ? Et le dernier, Père Noël, est-ce que tu peux repartir avec le sapin ? J'en ai marre de galérer tous les ans avec cette merde. C'était quelques messages laissés au Père Noël dans un instant 10 000 euros. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then Say my name. énergie. Je vous préviens, dans quelques minutes, nous aurons Geneviève de Fontenay qui reviendra sur les Miss France, qui n'est pas contente parce qu'on a vu des seins sur TF1. Alors je sais qu'elle n'est plus au comité Miss France, mais personne n'a vraiment osé lui dire. Elle croit qu'elle y est encore. Elle croit qu'elle y est encore. Vous savez. Le poste est fictif. Bah oui, tu sais, quand t'as papy au bout de la table et que tu veux lui annoncer un truc, tu prends des. Tu vas mollo. Tu vas doucement. Donc on aura ça dans un instant. C'est le moment peut-être de vous offrir jusqu'à 10 000 euros. Est-ce que tout le monde a son enveloppe? Oui. Ouais. J'ai la mienne aussi. Nous allons appeler quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12. Je vous réexplique la règle si vous venez nous rejoindre sur Énergie. Nous sommes là tous les jours de 17h à 20h et tous les jours à 17h30. Et il est 17h30 pile. Vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 10 000 euros. Pour ça, vous vous inscrivez au 7-10-12 par SMS et seulement par SMS en mettant Koé au début de votre message. De là, nous prenons des gens tirés au hasard. Zozazar. Avec un Z. Zedo, plus loin Zazar. Oui, allô. Allô, Jennifer. Oui. C'est le Zazar. C'est le Zazar qui t'appelle. Je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Comment ça va, Jennifer? Ça va. Est-ce que tu es en forme? Oui, ça va. Ça va, t'es sûre? Oui, oui. Oui, je m'assois. Je pense qu'elle est surprise. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de Jennifer? Alors, je suis depuis peu au chômage, sinon je suis aide médico-psychologique. Mais d'accord, au chômage depuis combien de temps? Depuis le mois de septembre. C'est pas très, très, ça fait pas très longtemps. Bah, ça fait quand même pas non plus depuis hier matin. Hein. Ça fait 4 mois. Non. Est-ce que tu as tenté de traverser la rue pour voir s'il y avait du travail de l'autre côté? Il paraît que non, ça marche. Non, j'ai pas tenté, non. Il paraît que ça marche, c'est notre président qui le dit. Je traverse la rue. Bah, moi, si je traverse ma rue, j'ai une église devant moi. Écoute-moi bien. Écoute la phrase de Macron. Macron dit pas qu'il faut que tu traverses la rue. Écoute bien. Je traverse la rue, je vous en trouve. Il traverse la rue, il t'en oui, trouve. Alors, Manu, si tu nous écoutes, est-ce que tu peux traverser la rue tout de suite pour trouver du boulot à Jennifer? S'il te plaît. À chaque fois qu'il traverse, il en trouve pour quelqu'un. Il est sympa. Non, moi non. Jennifer, tu me trouves l'enveloppe à 1 euro. Je serai la personne la plus désolée du monde. Tu as le choix entre Miko, entre Bordas, entre Bichette, entre réalisateur, entre Jeff, Stouff et moi-même. Trouve la bonne personne et trouve les sous. Vas-y. Concentre-toi bien. Jeff. Eh, confiance. Tu as pris Jeff? Oui. Ouais. Normal. Tu me sors celle à 1 euro? Ah non. Je te fais partir en rappel du 6ème étage. C'est pas de ma faute si c'est sans câble. Voilà. Tant de dire que... Et tu sors un... Waouh. Oh. Il y a Jennifer qui attend. Waouh. Tu fais super bien. Tu fais trop bien le waouh. Qu'est-ce que t'es bien. Il est rentré à la Waouh Academy. Oui, pareil. J'ai fait waouh deuxième langue aussi. Alors c'est vachement bien. C'est génial. Il y a Jennifer, elle s'en fout. Ça va, c'est vachement bien. Elle veut savoir comment. Mais si. C'est 1500 euros. Oh. Jennifer. Oui. Je t'offre 1500 euros, Jennifer. Oh. De Noël, ça me fait trop plaisir, ma belle. Merci. T'es courant là? Je crois qu'elle est émue, elle est émue. T'es toute contente? Oui. Oh, tu vas pouvoir faire tout. Tu sais quoi? Je vais aller voir les gens de la compta ici. Je vais leur demander de faire partir l'argent le plus vite possible pour que tu l'aies juste avant Noël. Je te promets, d'accord? Merci. Je t'embrasse fort. T'as un chéri, les enfants? Non, je laisse toute seule ma fille. Ah, oh, ça me fait doublement plaisir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ellie. Erin? Ellie. Ellie, comme Ellie. Los Angeles? Elle est? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Pourquoi pas? Bah, c'est mieux que. En tout cas, elle est contente. Elle est très contente. Et tu habites où? Elle est contente. J'habite à Châtellerault, pas loin de Poitiers. Je t'embrasse fort, Jennifer. Gros bisous. Bravo. 500 euros. Merci. Bisous, ma belle. Continue de nous écouter tous les soirs, d'accord? Avec grand plaisir. Et je te souhaite un joyeux Noël, ma belle. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. Elle est contente. Va prendre l'air. Va prendre l'air pour cette vanne. Va prendre l'air. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Sometimes I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it?

Téléchargez l'appli gratuite Groupon dès maintenant pour découvrir nos offres beauté, bien-être, restaurant, loisirs et sorties. Offrez des expériences près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël. Avec Groupon, c'est cadeau. Vite, téléchargez l'appli gratuite et économisez. 2018, c'est bientôt fini. L'occasion de repenser à toutes les bêtises qu'on a faites, de les foutre à la poubelle et de commencer à réfléchir à toutes celles qu'on va faire en 2019. C'est Coé, c'est le Bifort. 17h-18h sur Énergie. 17h52, prudence, si vous êtes sur la route, allez-y doucement et merci de nous écouter dans la voiture, ça passe toujours un peu mieux avec nous. Ah, c'est ça qui est bien, bien sûr que oui. Ah ouais. Je rappelle que vous nous écoutez aussi avec l'appli Énergie partout dans le monde. Je vous embrasse ceux qui nous écoutent comme ça, je vous fais des gros bisous. Et puis vous qui nous écoutez demain en podcast, le podcast. Podcast. Check les podcasts Carton et puis allez voir nos vidéos. On a mis la vidéo hier où on fait le jeu le plus ouf de France, où Miko et Bordas de leur côté et moi du mien, on a lancé des familles pendant 3 minutes dans un magasin but. Je vous invite à regarder surtout un truc en dehors du bonheur qu'ont pris ces familles à prendre 5000 euros de cadeaux. Ça me fait plaisir. Vous verrez surtout à quel point je ne suis pas sportif du tout et qu'une montée d'escalier m'a achevé définitivement. Une montée d'escalier. Les gamins, ils sont au bout du magasin. Je suis encore en rayon lave-vaisselle, moi. Je suis. On a ça en commun, tu vois. Mais c'est surtout pareil. La petite, tu dis que tu la tiens. Au bout de 2 secondes, tu l'as lâchée. Hein. Bah, ça faisait chier. Elle partait toute seule. Elle courait trop vite. Donc, dans un instant, nous reviendrons sur le scandale des poissons vendus dans les grandes surfaces. On reviendra d'une étude sur UFC Que Choisir, qui disent que sur une enquête qui a été faite dans des poissonneries dans les grandes surfaces, 86% des poissons vendus dans la grande distribution sont pêchés selon des méthodes non durables ou dans des stocks surexploités. Autant vous dire que bon, les poissons. Bon, en même temps, non, ils vous ont jamais dit dans les supermarchés que le bateau était garé derrière et que t'as jamais vu avec un mec avec un ciré jaune rempli de flotte. T'as, j'en ai chié, hein. Ah, je l'ai eu, le thon, mais je l'ai eu. Je suis en double fil, hein, je vous laisse. Ah, j'en repars parce que j'ai. Oui. Il y a des supermarchés qui le disent réellement, ça. Eh bah, ben, visiblement, ils ont leur propre bateau et c'est livré le matin même. Ah, j'ai pas dit tous les supermarchés. Là, c'est une enquête sur 86% de ceux qu'ils ont fait. Hein. Donc, évidemment, c'est comme toutes les enquêtes, il y aura la compile dans un instant. Mais voici le top 10 des SMS d'Aix. Alors. On a tous eu dans notre vie les SMS d'Aix. Là, ce qui est drôle, c'est pas tellement les questions ou le premier SMS, c'est les réponses qui sont drôles. Je vous lis le début. Je t'attends. Un jour ou 1000 ans. Réponse, pas en bas de chez moi, s'il te plaît, merci. Merci, bonsoir. Il y a un mec qui dit, hey, je viens de te croiser avec ton nouveau mec à Notre-Dame de Lorette. T'es sérieuse? Tu m'as acheté pour un vieux mec chauve et tout maigre. J'espère pour toi qu'il a un gros compte en banque. Réponse de la demoiselle, tout est plus gros chez lui, ça me change. Bim. Et bim. Je vous en lis une. Le mec, il envoie à croquer avec des smileys. La fille répond, tu veux que j'envoie une capture d'écran à ta copine? Non, merci, ça ira. C'était juste un compliment, j'étais en l'air. Désolé du dérangement. Réponse de la fille, blaireau. Question, avoue que tu penses un peu à moi quand tu regardes L'amour est dans le pré. Réponse, pour une fois t'as raison, entre les cassos, les gros chiens, les analphabètes, les ivrognes et les beaufs, je dois reconnaître que je pense souvent à toi. Les vaches. Je continue. Vas-y. J'adore. Une photo d'un feu d'artifice et le mec il écrit une métaphore de notre relation. Et la fille répond, je suis quand même très content de plus sortir avec quelqu'un qui prend en photo des feux d'artifice. Hey Salomé, qu'est-ce que tu racontes de beau? Je t'invite à boire l'apéro chez moi ce soir. Je peux t'appeler? Réponse, non, tu peux pas, désolé, j'ai perdu mon téléphone. Ah, ok. Et le message d'en dessous? Attends, tu te fous de ma gueule? Elle lui envoie une coupe de champion du monde. Ah, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Attends, il y en a, il est magnifique, c'est lequel? C'est celui-là. Ah, c'est celui-là, c'est pas lui-là. Je suis tombé par hasard en fouillant dans mes conversations. Bref, ça va bien depuis le temps? Réponse, ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas parlé. Réponse du mec, ouais, je sais. C'était bien, c'est 1 an et demi sans toi. Réponse de la fille. Je vous en fais un dernier. Hier, j'ai entendu notre chanson dans le Uber. J'ai pensé à toi. Réponse de la fille. Ce matin, moi, j'ai entendu les éboueurs. Ça m'a fait penser à notre relation. Bienvenue sur Énergie. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Got to move on with the love that I keep around. I got my

demande de l'entraînement, mais ouais, ça peut le faire. Michel, tu les pêches pas. Mais non, c'est des poules. Ah ouais, c'est vrai. C'est poules d'eau. La question, c'est qu'est-ce qu'on va manger quand il y aura plus de poissons? Un enfant. Ah bah j'allais oublier l'avis de notre philosophe. Ah. Maître Gims. Ah bah oui. Je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Bienvenue sur Énergie dans 3 minutes en public. Koé passe en mode public dans 3 minutes. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got, look what you taught me. Yeah, for that I say thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking, spend more time with my friends. I ain't worried about nothing, plus I met someone else. We having better discussions. I know they say I'm a one too fast, but this one gon' last, 'cause her name is Ari, and I'm so good with that. So good with she that. She handles pain. That shit's amazing. I've loved and I lost, but that's not what I need. So look what I found. No need for searching. And all I say, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, thank you, thank you. I'm so. One day I'll walk down the aisle, hold her hands on my mama. I'll be thanking my dad, 'cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad, gon' make that shit last. God forbid something happens, at least that song is a smash. I got so much love, got so much patience. Learned from the pain, turned out amazing. C'est comme des merdes, mais c'est bien, c'est le cœur qui parle. Rita Ora, c'est bien ça. Bien ça, non? C'était avec Iggy Azalea. Ouais, ah, je l'adore. Elle est belle, Rita Ora. Ah ouais, elle est très très belle. Je laisse la monter parce que je perds. Et après, ça retombe. c'est sympa quand même. Ouais, ouais, mais tu t'attends à ce que ça monte de ouf et après, c'est genre les mecs, c'est dans les cuves là. Les mecs en Jamaïque dans les tonneaux, c'est. Xylophone. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une montée à la Martin Garrix, tu vois, que ça démonte tout. Bah, pas du tout. Vendredi, il y aura Jennifer qui sera avec nous. Aujourd'hui, nous recevrons celui que nous chantons depuis des jours et des jours, qui est pour nous une star à l'américaine. Il y aura Cobb Johnson. Ah, les gilets jaunes, ce sera. J'adore cette chanson. J'adore. Alors, on a une déco de Noël ici, qui est une très jolie déco. Très Est-ce joli. Que je pourrais revenir sur un point de détail? Qui a eu l'idée de mettre ce sapin de Noël le plus déprimant de la Terre? On a l'impression que c'est le sapin de Noël de la Cogérep qui a été jeté dans un coin. C'est le sapin de Noël de la Skepsidie. Qu'est-ce que c'est que ce sapin de Noël? On a l'impression qu'on a une sécurité sociale. C'est vrai. Au rayon comptabilité. Avec Geneviève qui dit: je vous ai mis un petit sapin pour faire plus Noël. Joyeux Noël, Thérèse. Ça égaye un peu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ça. Ça, c'est un chéri FM en fait. Mais je savais même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'assume pas. Mais c'est à Chéri FM ou c'est à nous? Ben, en fait, on partage le studio. Mais partagez pas ça, ça se partage pas, une merde pareille. Ça, ils devraient le pendre à leur rétroviseur, à Chéri FM, ils devraient repartir avec. Oh, t'exagères quand même. Mais j'exagère non, c'est le truc. Ça s'expose pas. Bordas, sondage de Instagram immédiatement. D'accord, trouvez-vous ce truc, tu vois, tu sais quoi, influencez un petit peu. Trouvez-vous cette merde jolie? Oui, non. Que pensez-vous de cette merde? Non, là, c'est de pire en pire. Il est dégueulasse. Mais alors là, il y a même plus de boules sur celui-là. Ils font tous la gueule. Non, mais excusez-moi. Mais à Chéri FM, ils fêtent Noël. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même Noël, je crois. Mais Chéri FM, c'est love. Ça devrait être. Il devrait y avoir des boules partout, des duguis. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, non. Enfin. Non, le public. Ceux qui le trouvent moche, levez la main. Dégueulasse. C'est unanime, hein, je crois que là. Tout le monde a levé la main. Est-ce qu'on peut, d'ici jeudi, les amis, relever le niveau? Parce que on remercie nos amis de Chéri FM, mais leur montrer ce qu'on peut faire chez nous, quand même. Un peu. Quoi, non? Compliqué pour faire rentrer des sapins visiblement ici. Donc, faut que ça soit unifié. Il y a deux problèmes ici. C'est les mecs qui ont des baskets et les sapins. Les sapins qui ont des baskets, je te raconte même pas. Hein, le bordel. Mais quoi, c'est difficile. Non, il faut avoir. C'est très difficile. Je sais ce qu'il faut. Il faut une attestation de je sais plus quoi. Dénification, une doléance. Non, mais on peut rentrer. Tu sais, moi, j'ai fait 7 ans avant de revenir cette année sur Énergie. Mais ça, c'était avant. J'ai fait des années où on s'est, c'est vrai, un petit peu à chaque fois battu pour les sapins parce qu'il y a des normes de sécurité. Ça, je veux bien l'entendre. Mais on a réussi à faire rentrer plein de sapins. Mais vous avez fait pire, surtout, dans ce studio. Oui, ça va, mais alors. Ça y est pas. Non, mais on peut pas garder ça. Ibiza. Non, mais les amis. Déjà, ça, c'était moyen. On peut pas garder ça. Non, ça, c'est pas l'esprit de Noël, ça. Non. Voilà, ça, il y a des mecs qui mettent ça dans leur camion, dans leur tracteur. Ça, c'est un truc de cabine, ça. Ça, c'est pas un truc. Non, le sort pas non plus, ça a porté malheur. Mais j'avais pas vu le pied. Ah, dans un plastique. Mais tout est en plastique, les branches sont en plastique, tout est en plastique. Mehdi, on peut faire rentrer un autre sapin? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi qu'il faut comme papier? Excusez-nous, on est entre nous, on règle les problèmes. Il faut un sapin inifugé ou sinon on ramener un sapin normal avec une bombe. D'inification. Tout à fait. Eh ben voilà. Eh ben on va mettre des sapins normaux, ils en vendent partout autour. Qu'est-ce de. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, toi? Il est dégueulasse. C'est unanime. Je suis descendu exprès pour le voir. C'est la première fois que la Sécu est à deux doigts de sortir un sapin de Noël. C'est jamais arrivé. Vous avez jamais vu un sapin de Noël qui se fait virer de boîte? Jamais en foyer. Et là, c'est la première fois qu'on a. C'est pas possible. Non mais en vrai il faut plus qu'il rentre celui-là. Enfin, je sens qu'il va te déprimer. Mais là il me déprime déjà. Je crois que demain il sera plus là. Restez avec nous dans un instant. Nous aurons le devine qui c'est. Dans un instant qu'est-ce qu'on fera encore? Excuse-moi Coco. Oui. C'était obligé aussi la fausse neige. Ah non, mais ça. Ah, mais on ça. S'en colle partout. Parce que là il y en a partout. Et ça va être pendant une semaine. Ça sent. Hey, excusez-moi tant qu'on est dans les réclamations, la botte qui porte les crayons, on est obligé aussi ou pas? Oh, ça c'est bien. Quoi, c'est bien. C'est mais putain, t'as 80 ans dans ta tête toi ou quoi? C'est bien ça. C'est sympa, moi je veux. J'ai la chaussette qui va avec. Ah merde. Donne-le-moi. C'est génial. Bon, On y est là. Alors, on est à 100% de non, c'est dégueu. Ah oui, non, mais là. Je pense que vous savez quoi, il va falloir que je fasse un truc. On partage le studio des fois de temps en temps avec Chérie FM. On va aller faire quelque chose. On va les aider. Restez avec nous. J'espère que tout se passe bien. Dans un instant, le devine qui c'est. Je lirai beaucoup de vos messages qui arrivent sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes 10 millions à me suivre sur tous les réseaux. Merci, restez là. De penser aux gilets jaunes. Depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on met cette chanson, fallait lui laisser chanter chez nous cette chanson, ce garçon. Bah, bien sûr. Il s'appelle Cobb Johnson. Oui. Son. C'est pas écrit son sur mon écran, c'est pour ça que. C'est... Alors, monsieur Bordas, le hashtag numéro 1 TT France avec quoi déjà? Le cadeau de Noël de mon enfance. Oh, oh, oh, ça y est, à fond. Des accessoires. J'ai des accessoires. J'ai une question encore. J'ai une chaussette. Coco. Oui. Pourquoi une boule à facettes? Je ne sais pas. C'est festif. Moi, pourquoi des cloches? Je ne sais pas. Pourquoi les cloches au plafond? Elle est moche, elle est moche. Il y en a deux. Mais si, des cloches de Noël. Mais parce que Chérie FM, ils sont en avance, ils ont mis Pâques. Déjà. C'est ça. Pâques et Noël, c'est. Pas des cloches en papier. C'est Powell. Papier crépon. Ouais, c'est un mélange des deux, c'est une nouvelle fête. Alors on y va. Alors, du coup, le hashtag, le cadeau de Noël de mon enfance, il y a Valentin qui nous dit c'était mes Action Man, je les faisais s'accoupler avec les Barbies de ma sœur. On a tous essayé, ça ne marche pas. Non. On a Rakija aussi qui nous dit le cadeau de Noël de mon enfance, la Nintendo NES avec Duck Hunt et Metroid. Ouais. Oh là là. Moi je connais si pas. Tu tirais sur des canards. Ok, quoi d'autre? Génial. On a Elsa qui nous dit le cadeau de Noël de mon enfance, un lecteur CD portable et le CD des 15 tubes de 1992 avec Cyndi Lauper, William Scheller, Joe Cooker et François Feldman. Ah oui, c'est mal. Précis. Là. Ça fait très très mal. Un dernier, vache. Vite, allez. Un dernier, il y a Vanessa qui nous dit le cadeau de Noël de mon enfance, Dessinons la mode, c'était le meilleur jeu du monde. Apparemment, sauf que tu jouais, toi. Ah ouais, Dessinons la mode. Oui, tout à fait. Dessinons la mode. Tout moi j'avais, fait, moi oui. j'avais le truc Play-Doh. Vous savez, la pâte à modeler, oui. Je faisais des pizzas et je faisais des frites avec des j'avais, ah ouais. J'avais le burger, moi. Je faisais le burger. Ouais, mais le problème, c'est que comme moi, je suis un psychopathe, t'as acheté le pot jaune, le pot bleu, le pot rouge et le pot vert. Je voulais pas mélanger. Je voulais pas mélanger les couleurs. Donc après, quand j'avais fait mon burger, je renlevais tout, puis je remettais les frites oh en jaune. La viande avec la viande, sinon les couleurs se mélangeaient. Oh, c'est psychopathe. Plein de messages sur les réseaux sociaux, sur le One Man à Rouen. Je vous remercie tout le monde. Il y a une demoiselle qui s'appelle Stacy. Elle me dit salut, Koé. Si t'as la grippe, on saura pourquoi. Merci pour le spectacle qui est top. Je me suis amusé ce soir. Je me souviens de mademoiselle, troisième rang. Elle était malade comme tout. Elle était malade. Tu me le dis à la fin. Merci. Super spectacle de Koé, monsieur Jeff aussi. Je viendrai vous revoir à Paris ou à Rouen. Gros bisous. Hier, j'étais voir le spectacle de Miko, un certain Koé qui débute sur scène. Ah oui.

It's a little complicated. All tied up, no more love. And I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, so built for oddities, stranger possessed. Vous serez avec nous, vous serez dans le public, vous serez bien, voilà, ça nous fait très plaisir. Vous verrez des stars. Jeudi, vous verrez Rita Ora. Oui. Vendredi, vous verrez Jennifer. Yes. Et puis tout à l'heure, vous allez rater. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. C'est rentré dans la tête cette chanson. Ça, ouais, c'est de ouf. Ouais. Hein. C'est un truc de. Gilets jaunes. Et là-bas, il faisait de la Zumba, je crois. Ah bon? Oui. Eh bien, il nous dira, il nous dira tout ça tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être la chorégraphie à découvrir, il y a peut-être des nouveaux trucs. C'est vrai. Surtout, on nous a dit qu'il y aurait une nouvelle version. Ah oui. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est du choré. Tout à l'heure, nous poserons une question. Nous essaierons de trouver un sapin qui va bien avec les animaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les propriétaires de chats le savent. Sapin de Noël et chat ne font pas bon ménage. Oh, non. Une boule qui brille, le chat il décide d'aller te prendre celle qui va tout là-haut, il grimpe dans l'arbre, bam, l'arbre est par terre, t'aimes ton chat, tu relèves le sapin, 10 minutes après il est dedans, bam. Il n'y a que dans le nôtre, là, le tout minable qui ne pourrait pas monter, le chat il sera en bas, il fait j'y vais pas. Non, il aurait la honte, il est minable celui-là. Le chat il, avec sa petite patte, il montrerait le sapin, il fait ça. Non, même pas. Ça, j'y vais pas. Je pose pas mes griffes. Hein. Ah, je suis avec de la vie. Ah non, je préfère les faire sur ton canapé. C'est tellement plus sympa. C'est tellement plus sympa de niquer ton canapé. Ah, ton chat, il t'a niqué ton canapé. Ouais, complètement. Mais c'est le seul truc qu'il a niqué. Ah, il est coupé. Non, déjà, c'est une femelle. Ah bon. Elle est coupée, mais. Non, mais elle m'a pas abîmé autre chose dans l'appart. C'est ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas de jeu de mots. Parce que tous les gens qui ont des chats coupés, c'est le seul truc qui nique, c'est le canapé aussi. Hein. Le chat, il voudrait bien faire autre chose, mais il ne peut pas. Pierre Nicolas, je lis quelques-uns des messages, on fait le devine qui. C'est trop content d'avoir découvert le Bifort depuis septembre. Tu es un vrai distributeur de bonne humeur. Je t'adore, Koé, et toute ton équipe. Tout le monde. Myrna Potel nous dit, juste pour vous dire que vous êtes super, si mon mari. Oh merde, Coco. Regarde, ça commence à se casser. La guirlande est part. Oh, la tristesse, on a tenu 26 minutes. Regarde, ça commence déjà. Tiens, installez ça. C'est encore, c'est toi ça aussi, chérie? C'est les deux. Arrêtez. Mais quoi, c'est les deux? Il y en a pas un qui a mis de la colle et l'autre qui a poussé. Il y en a bien. Non mais à vous écouter, ça a été. Allez. C'est l'intention qui compte. C'est l'esprit de Noël. C'est qu'ils étaient hyper contents. Ils sont montés, ils ont dit le studio, il est magnifique, les gars, vous allez kiffer. Dégueulasse. 26 minutes, t'as tout qui part. C'est glauque, c'est glauque. Arrête. Je préfère lire les messages parce que c'est déprimant. Juste pour vous dire que vous êtes super. Si mon mari était aussi marrant que vous, je dirais oui. Je dirais oui une seconde fois. Bonne continuation, très bonne fête de fin d'année. Elle s'appelle Myrna. On l'embrasse, Myrna Potel ainsi que Monsieur Potel, qui est son mari. Hein, c'est pour dire rien du tout. Pas l'air très marrant. Message de Saïd. Je m'appelle Saïd Dardouri. Ok. Je suis joueur de foot à l'ASC Bischheim en National 3. Je me permets de vous écrire afin de savoir si vous pouviez partager le but que j'ai inscrit ce week-end contre le FC Mulhouse. Énorme. Afin de tirer le maximum de vues et pourquoi pas passer sur Téléfoot dimanche matin. Et pourquoi pas un peu de sport dans vos publications. Eh bien écoute Saïd, on n'a pas partagé ton magnifique but. Mais on est de tout cœur avec toi. Voilà, il s'appelle Saïd Dardouri. Et si vous bossez à Téléfoot, parlez de le son but quand même. Bah oui. Contre le FC Mulhouse. Moi je l'ai vu, il est très beau. Reprise de volée. C'est vrai. Sur corner. Il en a l'air fier. Il a l'air fier visiblement. Ouais, ouais. Message de Vanel qui me dit du rire, de la joie, du bonheur, tellement de plaisir en une vidéo. Ah la vidéo avec quand on offre les cadeaux aux gens dans le magasin But. Allez la voir. Allez sur ma chaîne YouTube. On vous a fait des liens un peu partout. Allez la voir. Vous verrez. Non seulement c'est marrant, les familles sont adorables, mais en plus voilà, ça nous a fait plaisir de le faire. Guillaume qui me dit Coé, quand on te retrouve le fils caché de Coé et de Jules, il est sur BFM Télé. Allez encore du foutage de gueule. Allez hop, on y va. Dès que c'est adolescent, c'est simple. Dès que c'est un gros, c'est moi. En plus, il s'appelle Ronde, le mec. Ouais, le mec s'appelle Axel Ronde. Ça s'invente pas, quand même. Ça s'invente pas. Non, mais pas du tout. Hein. Pour le coup, pas du tout. Allez, on continue. Gaëtan dit il y a une page complète remplie de 27 P différents. Il y a une bande spéciale P pour l'interrogation. Ah oui, c'est le passage dans l'émission de Big Flo et Oli. Parce qu'ils avaient pris le studio et ils avaient une page avec des rots. Ah oui, oui, oui. Et je leur ai dit, les gars, prenez la page d'à côté, il n'y a que des P. Et donc, je crois qu'ils ont beaucoup joué avec ça. C'était samedi soir sur Énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme message Coé, oubliez les hauts tacos. Vous avez un vrai défi pour Monsieur Jeff, la pizza la plus longue du monde. 1m93 de pizza. Jeff, est-ce que tu es prêt à relever le défi? 1 km. C'est un apéritif, ça. 1,9 km de pizza. Ouais. Oui, alors là, oui, bon. C'est pour Bichette, ça. Je voudrais pas être la canalisation. Quoi d'autre encore? On finit avec Aurore. Bonjour Coé, bonjour toute l'équipe. Je sais pas si mon message sera lu, mais je tente. Je travaille au cinéma de Saint-Quentin. On organise une vente d'affiches le 22-23 décembre au profit de l'association Le Petit Monde de Raphaël, que mon collègue a créé car son enfant était atteint d'une maladie rare. Je voulais savoir s'il est possible pour vous de faire une petite vidéo qu'on pourrait poster sur sa page, qu'on pourrait aussi diffuser sur le cinéma, faire une petite promo pour les ventes d'affiches. Eh ben, je vais vous le faire là dans un instant. Bon, on peut pas faire plus vite. Monsieur Bordas, mettez votre écran dans quelques minutes. Bon. Je la fais, mais pas à l'antenne. Je la fais, la fais hors antenne parce que c'est un peu long. Devine qui c'est, on est parti. Go. Et ensuite, j'appelle un magasin de sapins pour voir s'ils ont des sapins anti-chats. S'ils peuvent nous reprendre celui-là. Ah, oui, non, ils reprendront pas. Non. si, tant qu'à faire. Non, en même temps, si on peut en dealer des nouveaux. Ah oui, demain. Un échange. Non, mais Pierre, mais regarde pas avec tes yeux de pitié. Il est pourri, ton sapin, il est pourri. Allô? Oui, allô? Odile? Oui. Bonjour, devine qui c'est? Je ne devine pas, non, je ne sais pas. Qu'appelle pour dire un petit bonjour? Oui. C'est la famille? Bah écoute, je n'entends pas bien. Tu me reconnais pas? Non. Ah bah, qui ça peut être? Non, c'est vrai. Ah, qui ça peut être qui appelle pour dire bonjour? Bah écoute, je ne sais pas. Ah, il fait un effort. Ah bah non, j'ai pas... Bah si, tu peux. Moi je fais un effort, je t'appelle, tu pourrais faire un effort de trouver, je te dis la famille. Mais je sais pas. Bah t'as pas cherché? Non. Bah la famille, qui ça peut être? Mais j'en sais rien. Bon bah écoute, mais tu sais que c'est pour ça que t'es souvent toute seule, on ne t'aime pas dans la famille, on le dit, hein. Ah, oui. Ah bah oui, on le dit souvent, on dit elle est pas sympa, regarde, je t'appelle pour dire bonjour, comment tu me parles? J'ai répondu, j'ai dit bonjour. Oui, bah t'as dit bonjour, après t'as été désagréable, une formule de politesse. Non, j'ai pas été désagréable. Ouais, si, on le dit, on dit elle est désagréable, on parlait de toi encore dimanche. Ah oui. Et alors? Bah alors il y en a un qui a dit, je peux pas la blairer, moi j'ai dit, si, moi non plus. Moi je me suis dit, elle est sympa, je vais l'appeler pour dire bonjour, voilà le résultat. Bah oui. Alors, oh non, vraiment, t'étonnes après que t'as pas de cadeau à Noël? Oui, j'en ai eu plein. Oh, t'as quoi? Oui. Noël qui arrive, il n'y a pas de cadeau. Bon, bah écoute, ah, voilà. Vois, hein. Eh ben voilà, ouais. Bah, cherche aussi. Hein. C'est sympa, t'aurais des cadeaux. Devine qui c'est? Non, mais ça va, là. Voilà. Qu'appelle pour dire bonjour, devine qui c'est? Bah, j'ai dit bonjour, c'est bon. Oui, mais t'as pas deviné qui c'était? Et non, mais parce qu'en général, je ne parle qu'à des gens qui se nomment en premier. Oui, mais ça, c'est une surprise. Je te dis, je suis de la famille, j'appelle pour dire bonjour, donc qui ça peut être? Ah, bah écoute, j'en sais rien. Allez, je te laisse chercher. Bon, bah, je regarde la télé, c'est bon. Non, bah, je te laisse chercher pendant que tu regardes la télé, vas-y, dis-moi. Alors, d'après toi, qui c'est qui appelle? Allô? Oui, non, mais ça va, je vais pas rester là comme ça. Mais t'as pas fait de proposition? Non, je fais pas de proposition. Bah, si je te dis que c'est la famille proche. Je ne sais pas qui c'est. Tu te souviens plus qui y a dans la famille? Non. vois, c'est pour ça qu'on ne t'aime pas dans la famille non plus. Ah, je tenais à te le dire. Au moins. Hein ? T'as remarqué ? On t'appelle souvent pour te souhaiter bonne année ? Oui, régulièrement. Bah, tout, toute l'année. À Pâques. Bah, oui. Souhaite bonne année. Mmh. Au mois de juillet, bonne année. Tout le temps, on t'appelle pour te souhaiter bonne année. Bon, bah tant pis. J'avais une bonne nouvelle à t'annoncer. Bah écoute, je veux toujours la donner. Tu veux que je te la donne ? Je sais rien, moi. Alors elle va te faire plaisir. Tu sais quoi ? Hein ? Allô ? Allô ? Oui, ça y est. Oui, en bas, quoi ? M'engueule pas non plus ! J'allais te donner une bonne nouvelle. J'ai plus envie. Non, tant pis. Bon, salut Odile. Au revoir. Et bonne année. Je la souhaite tous les jours, donc bonne année. T'es parti ? Oui, bonne année, au revoir. T'es pas parti, tu raccroches jamais en fait. On croit que tu pars, mais tu pars pas. T'es toujours là. Souhaitez bonne année à Odile. Bonne année, Odile. Bonne année, Odile. Bonne année, Odile. Elle est sympa. Ouais, mais... Elle est sympa. Elle mérite d'être pas connue. Oui, c'est ça. Elle est avenante. Avenante. Conviviale. Exactement. Chaleureuse. Comme le film Aquaman. Je dis, rafraîchissant. À bientôt, Odile. Dis plus à bientôt. T'es en grève ? Odile. T'as mis ton gilet jaune de la politesse ? Tu t'es mis au rond-point du bonheur ? Odile ? Je sais pas ce qu'elle a regardé à la télé, mais... Ça a l'air passionnant, hein. À quoi ce temps-là ? Il y a question pour un champion. Ah, ben ah, oui. Bah ouais. Ah bah c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parle plus, Odile. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Odile. On préfère Samuel Etienne. Odile. Odile. Odile. Je vais raccrocher. Odile. Odile. Je vais raccrocher, je raccroche. Mon doigt, il est sur le bouton. Ah, attention, je pars. Attention. Oh, on m'a saoulé. Bon, bienvenue sur l'énergie. 17h20. C'est Coé sur Énergie. Y a-t-il des sapins anti-chat pour choper les boules ? Restez avec nous, on s'occupe de ça dans un instant. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah, bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar. Y nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. 20h, c'est Coé sur Énergie. Écoutez, on fait un gros bisou à ceux qui nous écoutent en podcast, un petit peu en décalé et tout. Dans le public, ils sont bien, ils ont des bonnes têtes aujourd'hui. Ils ont des bonnes têtes. Mademoiselle, va au deuxième rang directement. Quand j'ai parlé des chats et des sapins, mademoiselle, elle a secoué la tête comme ça. Oh oui, tu as un chat? J'en ai quatre. Oh là là. Mais pourquoi autant? Comme ça. Oui. Pour le plaisir. Ah ouais, ça va. Alors, l'odeur de litière, ça va? Parce qu'une litière, un an, ça va? Oui, mais ils vont beaucoup dehors. Ah, ils vont beaucoup dehors, d'accord. Oui. Okay. Et le canapé. Mais il s'acharne quand même sur le sapin, hein, malgré qu'il y a les arbres dehors. C'est ce que je voulais savoir. Donc il monte quand même dans le sapin de Noël. Comment tu fais pour qu'il tombe pas? Le sapin? Ouais. Je l'ai attaché avec des fils de fer. Ah ouais, c'est sympa. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est sympa. Il y a le piège à loup aussi dans les branches qui marche. Ouais. Ou tu l'électrifies. Oh non, tiens, les barbelés. On va en parler ça. Non, faites pas ça. C'est bizarre tes guirlandes dans ces barbelés. C'est pour les chats, je t'expliquerai. C'est pour le chat. Comment ils s'appellent les chats? Oh, alors il y a Oreo, Oslo, Olaf et Némésis. Et ça fait quoi de plus faire l'amour? Bah je te retourne la question. Moi j'en ai qu'un. Ah bah justement c'est difficile. Justement, je suis bien placé. Pourquoi quand on a des chats on fait plus l'amour? Non, ils te regardent. Non, je te rassure, tout va très bien. Non, c'est vrai, ils te regardent pas. Moi, quand j'avais des chats, ils te regardent. Si tu commences, tu fermes pas la porte, ils se mettent au pied du lit. C'est le chien qui te regarde. Ah, aussi, oui. Mais les chats aussi, ils me regardaient. Le chat, il te regarde. Les deux chats me regardaient. Non, mais parce qu'ils montent. T'as vu aussi qu'ils montraient de la patte à l'autre, il fait regarde, fais jamais ça. Jeff, tu fais l'amour, c'est un spectacle. Non, mais le chat, il parle à l'autre chat, il fait il y a un mollo sur les croquettes, tu veux pas ressembler à ça. Moi j'avais mon chien, je me souviens quand des fois tu fais l'amour, ça me gênait, moi ça m'a toujours gêné. Hein. T'es là, tu tentes, tu crois que c'est bien ce que tu fais. Et tu sais, il était comme ça, la tête entre les pattes, c'est très chien ça. Il se relève comme ça la tête, genre il est pas réveillé, tu vois, il a les yeux comme ça. Et il te regarde, donc toi inconsciemment, tu sais pas, tu te dis pourvu que tu sais te faire une perf, quoi, ça sert à rien parce que t'es un public. T'essaies d'épater ton chien, mais moi tu me mets un public, je suis comme un fou, tu vois, c'est le. Et là, il te regarde avec ta tête de parvillé, puis il fait. Et il se rendort. Et ben moi, ça me vexait. Ça m'a beaucoup vexé, ça m'a beaucoup touché. Allez, est-ce qu'on peut avoir un magasin de sapins dans lesquels il y a des sapins anti-chats? Je fais lequel? Je vais à Aurillac? Pourquoi tu m'as pris un magasin comme ça? Ils font pas des sapins, eux? Si. Mais c'est des faux sapins, ça va être des merdouilles comme ça. Et là, sinon, je te mets un pépiniériste. Bah, c'est-à-dire que bon. C'est-à-dire qu'en période de Noël, j'aurais préféré faire honneur à ceux qui vendent des sapins. En position 3, tu vois. Ok, je te remercie, bébé. En position 3, c'était un pépiniériste. Voilà, exactement. C'est génial, merci beaucoup. Ah non, il m'avait mis des trucs où ils vendent de tout et des faux sapins. Non, un vrai sapin. La pépinière, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est la pépinière. Oui. Bonsoir, monsieur, est-ce qu'il vous reste des sapins? Il reste des sapins, oui. Alors, je vous explique, j'ai un problème, j'ai trois chats à la maison, vous voyez. Oui. Et mon sapin de Noël, il est plus souvent par terre que debout. Donc je voulais savoir si vous aviez des sapins un peu anti-chats qui peuvent. Non, mais je sais que ça fait rire, mais vous savez, je ne sais pas si vous avez des chats, mais vous voyez. Oui. Alors est-ce que. C'est faudra... compliqué. Voilà, un socle en béton armé, je ne sais pas, un truc. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Ah ben, je sais pas, ça, il faudrait effectivement, je sais pas, mettre le sapin sous cloche ou le sapin. Non, bah non, je peux pas. Ouais. Non, je peux pas. Chaque année, il est par terre, donc qu'est-ce que je peux faire? Bah, je sais pas, mettre les chats en gardiennage le temps non. de Noël. Ah non, vous savez, ces petites boules d'amour, on les aime tellement qu'on peut pas s'en séparer. Bah, je comprends. Est-ce que vous pourriez, je sais pas, une petite guirlande électrique trafiquée, vous voyez, genre, s'ils montent trop, pff, un petit coup. Il y a de... une idée, oui. Petite schlag, mais pas grand-chose, du 12 volts, histoire que. Bah oui, bien sûr, je comprends, ouais. Bah non, j'ai pas ça. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des figurines tapettes à souris que je pourrais accrocher au sapin? Ça y monte, puis s'y monte, clac. Que... Ouais, non, je n'ai pas ça non plus. Ok, de la glu sur les branches, c'est possible? Ça peut se trouver, ça. C'est comme ça, si le sapin il tombe, il ne me regardera pas, genre, ah, c'est pas moi. Vous voyez, il restera. Vous voyez ce que. Bon, on peut accrocher aussi, je sais pas, on dit, s'aimer comme chien et chat, je sais pas, on peut accrocher un chien ou deux. Un pitbull, vous avez. Voilà, très bien. Vous avez des pitbulls décoratifs? Ah, bah, ça peut se faire. Ouais, hein, ouais, on pourrait mettre ça, ouais. Ouais, voilà. Bah, je vous conseille ça. Ouais, on pourrait mettre ça. Voilà. Ou le drapeau de la Corée du Sud, ça pourrait le faire flipper parce que c'est du nord. Le chat il va arriver là-haut, il va dire oh non, ça... le nord ça fait plus redescend. Ouais. D'accord, vous avez rien de tout ça alors. Ouais, j'ai rien de tout ça non. Ça, je peux vous trouver un chien là. J'ai une amie qui est très active à cœur sans toit là. Là je peux vous mettre en relation avec elle. Ah, oui. Elle va vous trouver un chien qui a été un chien bien agressif qui a été battu là. Et vous mettez ça au pied du sapin, le greffier, il va passer son chemin. Hein, ça, ouais, c'est ça. Hein, c'est, voilà, je mets un truc décoratif, mais qui fait que... Très bonne idée. C'est bien pour les enfants. C'est bien, comme ça, les enfants, ils passent pas non plus. Le chat passe plus, les enfants passent plus, le Père Noël passe plus. Personne ne passe. Même moi, je rentre plus. Le chien, il est comme ça, il rentre plus. Bon, vous êtes simple. Il est où elle est où, la pépinière? Eh bien, elle est... À Haute-Chion. Vous allez venir d'où? Bah, moi, j'habite personnellement, momentanément, là, je suis à Paris. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Ouais, d'accord, ok. Ouais, tout à fait, public, applaudissements. Ouais, absolument, absolument. On est où là? On est à Haute-Chion, Brun-sur-Haute-Chion. On est où là? Là, vous êtes à Brun-sur-Haute-Chion, là. Vous êtes au pépinière de Haute-Chion, à Brun-sur-Haute-Chion. La plus belle pépinière de l'Ouest. À Brun. Vous habitez à Brun? Ouais. La plus belle pépinière de l'Ouest, c'est-à-dire dans quel département? Oui, ça, c'est sûr. Dans le 49. On est près d'Angers, à 12 km à l'est d'Angers. D'accord, très bien. Bah écoutez, c'est un peu loin pour aller prendre un sapin. Mais en tout cas. Mais je vous aurai accueilli avec plaisir. Oh, c'est gentil. Bon, vous savez quoi, j'ai presque envie d'y aller. Mais je vous attends. Je déconne. Bisous. Je vous embrasse. À bientôt. Ouais, ciao. Au revoir, la pépinière. Il est adorable. Il est gentil comme tout. À bras. C'est joli quand même d'habiter à bras. Oh, messieurs. À votre donnez pas pour moi. Donnez à manger pour le singe. Donnez de la monnaie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où faut courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et j'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. J'adore Claudio Capéo. Bienvenue sur Énergie. Ce soir, et à partir de ce soir seulement, les enfants vont pouvoir faire gagner des parents. En gros, vous êtes un enfant. Tu es un enfant, mon grand. 0870 42 48, c'est gratuit. Ça ne coûtera rien. Et vous êtes des parents et votre enfant ne sert à rien. Faites-le bosser ce soir. Grâce à ces

faire la queue. Oh, enfin, bon, on peut se reposer entre les deux. Bon, c'est bien sur le papier. Je ne suis qu'un homme. Ouais, le encore et encore, c'est bien. Mais bon, laissez-nous dormir un petit peu. Dans un instant également, nous aurons une petite annonce. Vous savez que ça y est, ça commence. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui veulent le soir de Noël avoir des Pères Noël. Oui. Ça, c'est un petit job, hein, je dis, pour ceux qui veulent se faire un peu de sous le 24 au soir. Alors voilà, faut pas avoir envie de passer Noël en famille. Mais si vous voulez le 24 au soir et le 25, vous achetez, vous prenez un costume de Père Noël et vous allez dans toutes les familles et vous faites un petit dans votre ville. Vous pouvez vous faire 10, 12 clients, 15 clients par soir. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Hein. Non, mais, bien sûr, vous avez compris. Alors, il y aura la petite annonce dans un instant. Je suis à la recherche d'un Père Noël qui pourra se rendre à mon domicile le soir du 24. Nous sommes en Alsace, entre 20h et 21h, normal, parce que les enfants se couchent après. Oui. Je suis prête à donner 60 euros si vous disposez du costume, sinon 30 euros. Ah ouais. Alors attends, 60 euros, tu te fais 10 personnes dans la soirée. Ouais. Je vous laisse faire un petit calcul. 600 balles. Tu te fais ton 600 dans la soirée. C'est joli, c'est pas mal. Juste pour arriver. Pour faire le Père Noël. Oh, à bout de la thune, j'en ai d'autres. Non, mais c'est surtout. Et t'as 90% de chance d'avoir les enfants qui chialent. Oui, les enfants, ils veulent voir le Père Noël et quand tu le ramènes, ils font il n'y a qu'à voir dans les centres commerciaux. Fais une photo. Non, non. Les griffes, tu sais, par terre. Non. Ah, mais c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, bon, en tout cas, vous pouvez vous faire des sous. Tout à l'heure, j'essaierai de me proposer moi. D'accord. Pour essayer de. Bah, pourquoi pas. Bah oui, pourquoi t'as raison. Pas, mais bien sûr. En attendant, vous allez pouvoir jouer avec nous. Tous les jours, il y aura des enfants qui vont pouvoir jouer avec nous. Inscrivez-vous, koe@energie.com. Vous nous écoutez, vous êtes les parents, faites jouer vos enfants. Ouais. C'est simple. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est ce que nous allons vérifier avec Jules, qui a 9 ans. Ça va, Jules? Coucou, Koé, coucou la famille. Salut, bonjour Jules. Comment ça va, Jules? Bien. Est-ce que tu es en pleine forme? Oui. Est-ce que tu as bien travaillé cette année? Oui. C'est vrai, c'est combien ta moyenne? Ma moyenne sur quoi? Bah, en tout. Ta moyenne dans l'ensemble? C'est en science, en 7 sur 20. 7 sur 20? Ah, t'as en science? Ouais, ouais. Heureusement que t'as bien travaillé. En science, il a dit. Mais en général. Heureusement que t'as bien travaillé. Ouais, ouais. Moyenne. Non, mais global. Je crois qu'il n'y a pas encore les bulletins là. Hein. Bah si, tu la connais un peu. Bien sûr que si, les bulletins sont arrivés, c'est ouf. C'est Noël, c'est dans 3 jours. Le premier trimestre. Parce qu'il te l'a planqué. Le bulletin, il est déjà arrivé chez toi? Non. Ah bah c'est ce que je dis, les bulletins sont pas encore arrivés. Ils sont pas arrivés. Il y a eu les conseils et tout, machin. Et alors, tes parents, ils disent quoi? Ils disent que tu travailles bien, ils disent que t'es gentil, ils disent quoi sur toi? Ils disent que je travaille très bien, c'est mieux que l'année dernière. Ah bah 7 sur 20, ah, oui, 7 sur 20, c'est vrai que t'es en progrès, t'avais combien l'année dernière? C'était moins bien? Oui. Ah bah dis donc, on est mieux cette année alors, on est mieux cette année. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ouais. Jules? Je vais être footballeur. Ah bon alors, te fais pas chier en science. Ah oui. Ah ouais. Mais si, c'est important. Ouais, non, ni en science, ni en français, t'emmerdes pas la vie. En rien. Voilà. Mais regarde, non, sport. Regarde Ribéry, une telle réussite avec. Bon. Non, continue à l'école, les écoute pas. Bah. Ah, tu veux être footballeur vraiment? Tu joues bien au foot? Oui, depuis mes 7 ans, je fais du foot. Vous imaginez que là, on est peut-être en train de parler au futur Mbappé. Mais peut-être, ouais. Là, peut-être qu'il sera dans Téléfoot dans 10 ans, ce gamin. Il dira, je remercie Koé, qui m'a dit... Il a cru en moi à l'époque. Voilà, hein. Il m'a dit, les footballeurs sont tous débiles, il n'y avait pas besoin de bosser à l'école. Merci pour tout. Jules, attention, je vais te poser des questions. Je veux que tu me dises la vérité, d'accord? Oui. C'est-à-dire que nous, on a déjà posé des questions à tes parents. Ils sont à côté de tes parents? Oui, ils sont là-bas. Alors, ils sont là-bas où? Moi je suis à une table et ils sont à l'autre. D'accord, vous avez beaucoup de tables? Vous vendez des tables? Pourquoi vous avez plein de tables? On ne vend pas de tables, non. Non, c'est le premier degré. Premier degré. Ouais. Il est con là, toi. Que fait papa, que fait maman? Il faut quoi? Maman, elle est assistante commerciale. Ouais, elle c'est quoi? Vend des dalles. C'est quoi son prénom? Des dalles. C'est quoi? C'est. Émilie connaît ça. C'est... Non, c'est juste son prénom, juste son prénom. Émilie. Émilie, elle vend des dalles. Oui. D'accord, ok. Et mon beau-père, il est magasinier cariste. Ouais. Et il vend des palettes. De dalles. Entre les dalles il et les palettes. Maxime. Il s'appelle Maxime. Ok, très bien. Il s'appelle Maxime. Émile, il n'y a pas d'autres frères et sœurs? Tu cherches là ou tu sais pas? Il y a d'autres frères et sœurs, non? Je sais pas. Oui, j'ai une demi-sœur qui s'appelle Enola, elle a 12 ans. Elle est sympa, elle est chiante, elle est comment? Tu peux me le dire à moi? Elle est un petit peu chiante et un petit peu sympa. Ouais, ok, d'accord. Voilà. On se mouille pas. C'est la vie, quoi. Tu verras, c'est les filles, ça. Tu verras. Ouais. Bon, Jules, on va jouer ensemble, d'accord? Oui. J'ai posé des questions avant. C'est Guy Claude, hein, on est d'accord, Guy Claude, tu me le confirmes? Oui, je le confirme. Nous avons posé des questions à ses parents. Nous avons 5 questions. J'ai déjà la réponse de tes parents. Si jamais tu as 4 bonnes réponses sur 5, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, par exemple, pour Noël? Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est l'iPad. Eh bien, je vous offre une PS3. Non, non, non. Si jamais tu as les bonnes réponses, je t'offre un iPad. D'accord? Ok. Attention, voici la première question. Comment ta maman appelle ton beau-père quand elle est contente et de bonne humeur? Elle l'appelle chérie. Elle nous a dit chérie, c'est une bonne réponse. Bravo, bravo. Un point. Une bonne réponse. Comment ta maman appelle ton beau-père quand elle est énervée contre lui? Maxime. Ah ouais, waouh. Moi j'avais Max. Ah ouais, ça passe, hein. Non, généralement, quand ils disent le prénom complet Maxime, c'est que ça gueule vraiment. Oui, ça gueule vraiment, ouais. Bah, c'est ça. Quand il n'y a plus de chérie, il n'y a plus de diminutif. Maxime, ouais. Là, ça, ouais. Je mets un point d'interrogation sur cette question, je ne la valide pas complètement. Oui, je sais, je suis dur. Troisième question. Qui c'est qui commande à la maison? Émilie ou Max? C'est surtout Max. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Voilà, je valide cette question. C'est Max, absolument. On continue, il en reste deux. Qui a eu le plus de chéris entre ton beau-père et ta maman? Oh, malaise. Oh non. En ce moment, j'ai la réponse, moi. Max. C'est bien, tu balances, toi, tu balances. T'es au courant. T'es au courant du dos. C'est effectivement la réponse que j'ai aussi, c'est Max. Voici la dernière question. Si jamais tu réponds, tu as l'iPad, d'accord? Ok. Qu'est-ce que ton beau-père reproche le plus souvent à ta maman? Qu'il faut qu'elle arrête de faire la gueule et qu'elle fasse du boudin. Il est trop mignon. Eh bien, devant moi, il y a écrit qu'il faut qu'elle arrête de faire la gueule. Eh bien, c'est la bonne réponse. Je t'envoie l'iPad. Bravo, mon Jules. Je t'envoie l'iPad chez toi à la maison et je te souhaite un joyeux Noël. Merci. Gros bisous, mon grand. Est-ce que tu sais pourquoi elle fait la gueule, d'ailleurs? Faudrait peut-être poser la question une fois. Non, ils m'ont pas posé la question. Elle est là, ta mère? Oui, elle est à côté de moi. Passe-la-moi. Elle est sur la troisième table parce que il y a beaucoup de tables chez nous. Passe-moi ta maman. Passe-moi ta maman. Émilie? Oui. Bonjour Émilie, ça va? Salut Koé, salut tout le monde. Ouais, ouais. Bonjour. Émilie, pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi tu fais les boudins? Ça, c'est typiquement féminin. Ben oui, mais enfin, si tu dis souvent que t'arrêtes de faire la gueule, pourquoi tu fais la gueule? Bah parce que ça l'énerve, j'aime bien. Ah oui, ça, c'est féminin. Juste pour nous faire chier. Le truc pour nous faire chier. Oui, voilà, normal. Bisous Émilie, je t'embrasse. L'iPad, on vous l'envoie à la maison. Beaucoup. Joyeux merci Noël. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Dans un instant, je deviens Père Noël. Je vais essayer de trouver le boulot. Comme si fuera l'ultima vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bébé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. No sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, taqui, taqui. Tienes un besito, un naki. Uri explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le va el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Hacer lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash, de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumbo. Keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Dans quelques minutes, 10 millions de vues, gilets jaunes. On va faire un petit blind test et après j'essaierai de prendre le boulot de Père Noël qu'on cherche pour le 24. On cherche un comédien qui fait le Père Noël. Je vais tenter. On va tenter le Père Noël, tu sais. On va faire un Père Noël différent chaque jour. D'accord. On fera des petites annonces tous les jours. Là, on va faire le Père Noël un peu chelou. D'accord. Ouais, ouais. Un peu chelou. Pas, à qui faut pas trop confier les cadeaux trop longtemps. D'accord. Tu vois, le Père Noël qui peut te revendre dans ton dos. Tu vois, d'accord, ouais, ok. On verra ça dans un instant. On va commencer sympa, puis je j'alourdirai au fur et à mesure. On va voir si la personne veut, quand tu veux me prendre ou pas. Okay. 60 euros, je suis preneur. Hein. Bon, dans le public, on va dire bonjour avant qu'on fasse le blind test. Préparez-vous. Il y a du monde là qui viennent pas d'une. Ils font pas de la radio, les gens devant là. Si, oui, ils sont combien? 5, 6? Ouais, c'est la friend zone. Ça va, les amis? Ça va? Ah, vous êtes tous, donc c'est le nom de l'émission et vous êtes tous dans la friend zone. Yes, c'est donc ça. Personne n'a fait l'amour avec personne. Exactement. Trop tard, vous êtes donc dans la friend zone. Sauf lui, too late, qui a sucé pour être là. Non! Non! Cité, il a suscité, ok. Il a suscité. Ok, ok, ok. Effectivement, vous n'êtes pas prêts de bosser sur énergie, les gars. Un mot, une saloperie. Et donc, effectivement, il va falloir attendre un peu avant que vous veniez bosser ici. La demoiselle à droite, elle me dit quelque chose. Oui. Mais tu leur confies le micro. Ouais, si, elle a sucé, lui. Ben non. Ratez pas les choix de ça sur ma radio, sur Internet. On peut pas. Là, on peut pas. Bah non, c'est un peu plus. Ah, bah c'est pas le dernier à donner. Ah, bah, parce que j'aime bien leur sucer entre deux mots. Moi, je peux pas le dire. Non, je préfère Internet. La demoiselle. Je me souviens de toi. Oui. Tu étais dans les haters au forum des Halles. Ouais, mais j'étais pas haters. Tu m'aimais bien. Oui, c'est la seule bien. Qui t'aimait bien. Non, ouais. N'exagère pas, toi, la seule qui m'aimait bien. Sur les 5000 personnes interrogées. Ça va, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Tu es aussi dans la friend zone. À temps partiel. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, tout ça pour vous dire que mercredi, on va retourner une avec Miko. On va retourner un Koé face à ses haters, ce spécial Noël. Je vous connaissais le principe, c'est que on demande aux gens, on les pousse un peu quand même. Hein, bien sûr. Ouais. Miko les chauffe un peu en disant allez-y, si vous y a quelqu'un. Ouais, lâchez-vous. Hein. Donc les gens ils disent des horreurs sur moi et j'arrive derrière. Mais là on fera une spéciale Noël, c'est-à-dire que plus ils m'auront chié dessus, ouais. Plus ils me détesteront, plus je leur offrirai un gros cadeau. Ah, ouais, un vrai cadeau, hein, pas une saloperie, un vrai cadeau. Ah, Noël. C'est comme ça. Okay. Ouais, histoire qu'ils aient encore plus l'air con. C'est bon, vous êtes prêts? Voici le blind test, tout le monde se concentre. Vas-y. T'es concentré, t'as pas l'air concentré. Et qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, alors vous allez tous jouer. Il y a absolument rien à gagner. Oh, donc bah non, Jeff Ilio, taquet. Allez. Le principe, je vous fais écouter des débuts de chansons. Ouais. Vous ne me dites pas le titre, ça serait trop facile. Vous me placez d'Inde dans la réponse. Ok. D'accord. Vous me placez d'Inde dans la réponse. D'accord. Mais il faut que ça ait un sens, hein. Oui. D'accord. D'accord. On y va. Et ça, c'est Végé Jumbo. Ramenez la dinde à la maison. Ramenez la dinde à la maison, c'est très très bien, bien joué. Cassez les manches comme Samuel, une petite. Ramenez la dinde à la maison. Ah, c'est bien, on continue. Ça, oh, je sais, c'est la dinde de trop. Edith de Préto, t'as reconnu Edith de Préto à ça? Ouais. Ah, il est cool. C'était effectivement ça, attention. Ça va me faire rire. Ça peut comme jamais, ça peut comme jamais, déjà. Ça fait comme une dinde. Ça fait comme une dinde. Et en plus, vous en verrez et vous penserez à moi le 24 au soir. Vous en verrez 31 décembre. Il y en a toujours qui sont sapés comme des dindes. Sapés comme une dinde. Une dinde. Sapés comme une dinde. Une dinde. On continue. Ah. À la dinde à l'amour. Ou à la vie à la dinde, c'était plus sympa. Soprano à la vie à la dinde, je valide. Attention, c'est plus compliqué ça. Waouh. Ah, je l'ai. À la dinde. Donc le prince à la dinde. Oui, le prince à la dinde. Le prince à la dinde. T'as reconnu Black M et Kiss? Ouais. T'as reconnu à ça toi? Oh ouais, ça je l'ai. T'es fan à ce point-là? Ben non. C'est quoi? Je l'ai même pas vu ce film. Attends. Bravo. Je te promets. T'as pas vu le film et quand t'entends à la dinde. Oui, bah oui. C'est vrai que ça sonne très oriental, quoi. J'écoute énergie, monsieur. Bim. Il n'est pas passé 1000 fois non plus, celui-là. On continue. Je sais qu'on ne vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. On a compris. Si tu changes d'avis, vous pouvez jouer, hein. Moi, je trouve que Christophe Maé, on dirait le Vianney du Sud-Ouest. Oui, c'est... Oui, je loue des planches à la voile. Alors, laisse-moi faire. Alors titre. Attends, ah, si je l'ai. Oui. Dan, dan, dan, dan. Voilà, dan, dan, dan, dan. Bravo, bravo. Est-ce qu'on est toujours numéro 1 TT France? Ouais, toujours. C'est bien. On est toujours numéro 12. Ah, je l'ai. Ah, je reste une dinde debout. Je reste une dinde debout. Oui, c'est ça. Et un jour, une dinde. C'est la bonne la réponse. Et un jour, une dinde. C'est ça, c'est ça. Allez, on continue. J'ai trouvé le sens de la dinde. Non, c'est... Oh, mais c'est trop fort. Le sens, sérieuse. Tal, le sens de la dinde, absolument. Oh, c'est pas sympa pour elle. Alors là, ça va aller très très vite. Toucher la dinde à la voisine, très bien. Miko, tu joues avec nous un jour ou pas? Bah, j'en ai trouvé un. Eh bien, voici, je vais le mettre. Non, pas celui-là, je vais pas mettre que pour toi, tu vas pas le trouver. Oh, si. Non, vous jouez tous. Je cherche la dinde? Non. Non. Ah non, attends, on va passer. J'ai de la dinde, non? Non. On se couche, on se lève. Regarde ce qui nous en fait. Donnez-moi un peu de dinde. Oui, c'est ça, donnez-moi un peu de dinde. Bien sûr, c'est ça. Donnez-moi un peu de dinde. J'ai plus dinde. Attention. La dinde de Babanco. La dinde de Babanco. D'ailleurs, il le dit, hein. Dinde de Babanco. J'étais dans la peau. On continue. Au cœur de la dinde. Non. Au cœur de dinde. Non. Non. Les rues de la dinde. Oui. Amir, les rues de ma dinde. Il est où le bonheur? Il est où? Dans la dinde. Allez, où la dinde? Donnez-moi de la dinde. Jennifer. Oh, t'es fort, toi. Excuse-moi. Va me jouer, toi. Casse pas la fin. M'énerve, elle. Toi, t'entends ça, tu reconnais Jennifer? Ah oui, bah oui, quand même, on la reçoit en plus. Bah et alors? Moi, j'ai reçu des gens, je connais pas la moitié de leurs chansons. Ça n'a aucun rapport. T'entends ça, tu reconnais Jennifer? Bien sûr que oui. Elle est fan. Ça, c'est fort, quand même. J'ai longtemps parcouru. Mais je dinde. Non. Je dinde. Faut que ça ait un sens aussi, hein. J'ai parcouru la dinde. Non. Son corps effleuré. J'avais juste une. Une dernière dinde. Une dernière dinde. Allez, le dernier. Attention, il va aller très très vite. Et ça, c'est pour tous les gens qui hésitent à savoir s'ils vont manger un animal ou s'ils vont faire vegan le soir de Noël. Quand vous allez trouver le titre de cette chanson, vous allez faire vegan. Les yeux de la dinde. Les yeux de la dinde. Mais mon Dieu, laissez-les-moi, les bons yeux de la dinde. C'est la bonne réponse, bravo Bastou. Très fort, dans un instant, la petite annonce du Père Noël, les gilets jaunes. Arrivons juste après, tout de suite, on arrive. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Tant qu'on est dans les cadeaux de Noël, j'ai les astuces d'après une étude pour bien réagir si on vous offre un cadeau tout pourri. Ça peut aider. Sourire quoi qu'il arrive. Ouais. Oui, sinon ouais. Ça se voit. Mm-hmm. Ensuite, il faut garder un contact avec les yeux de celui qui offre pour paraître sincère dans le merci. D'accord. Ah ouais, c'est dur. Et enfin, si on ne sait pas quoi dire, il faut faire la technique du merci câlin. C'est-à-dire que vous arrivez vers la personne, vous savez pas quoi dire, ouais. Et vous la serrez dans vos bras. Ah ouais. Oh, merci. Mon conseil, ouais. N'ayez pas un couteau dans la main. Manu dans le 6-9. Manu. 6h, 9h30 sur Énergie.

Allez, le sondage. Donc, on m'a demandé, est-ce que le sapin, vous le trouvez beau ou pas? Écoutez bien, j'ai peut-être été mauvaise langue en disant qu'il était très moche. Ah bon? Parce que, ouais, je crois que vous avez fait changer le classement. Ça donne quoi? Bah, ça donne 91% de non, c'est dégueulasse. Effectivement, il est pas moche. Il a bien changé. Il est dégueulasse. On vient de mettre une nouvelle petite vidéo sur mon Instagram qui s'appelle Les Punchlines. Alors, en gros, vous avez. Les fameuses? Non, c'est pas tout ce que je lui ai demandé. Ah, il y a pas la moitié, là, il a oublié de noter. Tu les as oubliés? Bon, ouais, non, n'en parlons plus, ça m'énerve déjà. Donc. Mais on a remis notamment ma ressemblance avec Grou, ah, on a mis 2-3 vannes, allez voir, ça se regarde tout seul. Et quand vous avez maté la vidéo, vous slidez vers la droite et vous avez la suite. Bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes 653 000 à me suivre sur mon Instagram, ça me fait très plaisir. On est à combien sur Facebook? 2 915 000. Non. 2 917 000. Oui. C'est ton moment là, Jérôme. Ah, 2000 près, ça va, 2000 près. Ah, mec, 2000 c'est. Ah, bah 2000 près, une manif des Champs-Elysées, mec. Ça change tout. C'est pas les mêmes chiffres sur BFM. Hein. Ouais, bah il l'a dit d'ailleurs, le mec. Il a dit, oh, 2000 près sur les Champs-Elysées. Ça va. Et sur Instagram, 653 000. Non, je viens de le dire. Ah, tu viens de le dire, ok. Oui. Pardon. Non, mais il t'écoute pas, il s'écoute lui. Il peut pas écouter deux personnes. Vous pouvez pas le prendre dans votre émission. Je suis dans la lune, là. La friend zone. Ouais, la friend zone. Mais lui, vous créez une nouvelle émission. No friend zone. No zone. C'est comme zone. Le sapin, c'est dégueulasse. Ah, merci. C'est gentil. Ça fait toujours plaisir pour Noël. Hop, on est rhabillés. C'est sympa. C'est pas la première fois que t'as les boules. Allez. Et Punchline, note. Je note. Mais tu lui donnes les heures, les jours, il les oublie. Et les secondes. Je sais pas. Non, tu les notes dans quoi? Sur un groupe qui s'appelle Team Alzheimer. C'est le groupe Alzheimer. Team Alzheimer. Il note et puis c'est plus. Punchline encore. Bon, en tout cas, on va se faire la petite annonce du Père Noël. Dans un instant, on se fera. Qu'est-ce qu'on a? Je voudrais faire plein de trucs avant d'avoir. On reviendra sur les plus beaux SMS. On l'a fait tout à l'heure. Voilà, les SMS d'ex, c'est à mourir de rire, c'est très très bien. On s'occupera de ça dans un instant. Et puis nous recevrons en plus dans quelques minutes Cobb Johnson. On le passe depuis quelques jours comme ça pour déconner. Et visiblement, donc cet artiste se lance de son côté. Le clip a fait 11 millions de vues. C'est beaucoup. Et moi, alors évidemment, il va pas faire toute sa vie sur les gilets jaunes. Mais il y a un artiste derrière. Et le but du jeu, c'est que voilà, si on peut lui filer un petit coup de main et faire en sorte que sur Energy, ça soit encore plus diffusé, on est très content. Gilets jaunes, il dit faut danser petit. Faut danser petit. Ah, c'est pas faut faire danser le petit. Moi j'entendais ça, faut faire danser le petit. Ce qui est pas facile. Hein. Ce qui est pas très très facile. Faire danser le petit. Écoutez-moi bien, il y a la playlist suprême aussi qui va tomber. Si vous écoutez Energy, vous pouvez gagner 50 000 euros. Je le dis parce que elle a été lancée il y a quelques jours. Que bon, ça fait quelques années que je fais ce métier. Ouais. Et que donc. Ah bah il sent que ça va tomber dans pas longtemps. Réfléchissez, Noël c'est début de semaine prochaine. Mm-hmm. Je suis pas scientifique mais ça va pas tomber un week-end. Oui. Donc je me dis que c'est entre aujourd'hui et vendredi. Oh t'es un génie. Oh là là. Voilà c'est tout. Ah il est pas con lui. Je sens que ça va tomber là. En gros écoutez Energy, dès que vous entendez Angèle tout oublié, enchaîner à Marshmallow, enchaîner à Big Flo et Oli, enchaîner à Morning and Smack, avec 3 cafés gourmands à nos souvenirs, les 5 seulement enchaînés dans cet ordre là. 39, 37, vous nous passez un coup de fil. La personne qui sera sélectionnée, la première à appeler. Je crois que c'est comme ça, hein, c'est la première à appeler. Hein. Oui. Ouais. Truc de psychopathe, il y a un huissier et tout. Dès qu'elle est prise, c'est 50 000 euros pour elle. C'est pas 50 000 euros à se partager, c'est 50 000 euros cash. C'est beau, non? C'est beau, c'est magnifique. Bon, 2-3 infos avant qu'on fasse le spécial Père Noël avec quelqu'un qui cherche un beau Père Noël pour la nuit du 24. Il y a des infos dans la presse. Une petite fille de 2 ans qui s'appelle Mia, qui habite à Causey-Véran dans l'Hérault, a ouvert son calendrier de l'Avent comme les enfants. Est-ce qu'elle danse, Mia? C'est pas vrai. Mais t'es sérieux? Ça fait danse, le Mia. Tu l'as fait? Bah, ça, tu l'as pas faite. Moi, je vais te faire danser le petit, tu vas voir, dans 2 minutes. Elle danse le petit! Tu vas voir. Non, mais c'était marrant. Et donc, elle ouvre sa carte du 14, elle ouvre sa petite case. Ouais. Et là, elle se rend compte qu'il y a une odeur épouvantable et il y a une souris morte à l'intérieur. Quelle horreur! Une souris morte! Et donc, la petite souris aurait été piégée à l'usine pendant l'emballage du calendrier. La maman contacte le service client de Milka. Oui. Alors, vous êtes Milka. On vous appelle pour vous dire ma fille est tombée dessus, c'est une horreur. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes commercial, vous êtes une énorme société de chocolat, peut-être les plus grands chocolatiers avec Lindt. Bah, tu offres du chocolat, quelque chose. Un nouveau calendrier de l'Avent. C'est un peu petit. Un peu plus, ouais, un dédommagement. Ah ouais. Dommage, non, il donne pas d'argent généralement. Non, hein, tu donnes du chocolat. Non, mais ouais. Ah non, le chocolat. Mec. Son poids en chocolat. Oui, en plus, c'est une petite de 7 ans. Voilà, ça va. Grave, ou alors, à force d'en bouffer, elle fait peut-être 80 kilos. Mais. 7 ans. Et surtout, peut-être qu'elle ouvre les calendriers de l'Avent tous les jours. Et que la petite a fait plus. Bon. Oui. Bah oui, du chocolat. Pareil. Écoutez bien, je suis halluciné de la réponse de Mika. Milka. La maman, une fois qu'elle a contacté, ils lui ont répondu qu'il fallait envoyer des photos comme preuve et aussi de garder le calendrier comme preuve avec la souris morte. Oh, quelle horreur. C'est-à-dire que non seulement tu ouvres, il y a une souris morte, les mecs s'excusent à peine, ils disent hey, « gardez-le comme preuve, envoyez-nous la photo et on va voir ce qu'on peut faire pour vous ». J'ai ramener le Maccabée et puis on verra. Moi, je suis sûr que c'est Rémi. Moi, je suis sûr que c'est Milka, ils n'ont rien à voir là-dedans, c'est le père, je suis sûr. C'est le père de la petite. Pourquoi ? Ras le cul de donner de l'argent pour les dents de sa fille. Hop, il a buté la petite souris. Bam, il l'a mise dans la case 14. Voilà, il a recollé. Allez, voilà, comme ça, il n'y aura plus d'argent. Plus. Bonne chose de faite. Et une info sur Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, beau gosse. Vous êtes Lenny Kravitz, les femmes, elles adorent Lenny Kravitz, ce côté un peu animal et tout. Moi, je trouve qu'il a un côté un peu crado, Lenny Kravitz. Et pourtant, je l'aime bien, on est amis presque. Il a dit, je vais être honnête, en tournée, écoutez bien, baisse. Je me change parce qu'on ne peut pas porter la même tenue tous deux jours de suite. Voilà, Lenny, très bien. Mais sinon, je m'en fous. Je ne me change pas et je ne veux pas me changer. J'ai porté le même jean et le même t-shirt pendant un mois. Et quand je n'en peux plus moi-même, que je ne supporte plus moi-même mon odeur, je prends mon gel douche, je les lave, je les étends sur un rocher, je les ai remis et c'était reparti pour 30 jours. C'est pas vrai. On vient de trouver plus crado que Johnny Depp et Vanessa Paradis. Lenny. Oh là là là là, Lenny Kravitz. Bah, ça devait être sympa avec Vanessa, puisque les deux, on vous fait visiter la maison, salle de bain nickel, jamais utilisée. Voilà, toute neuve. Mais il y a encore le film en plastique. On s'en sert pas. Lenny, une fois de temps en temps, mais voilà. Mais nous, non, jamais. Une fois par mois. On s'en sert jamais. Allez, j'appelle pour l'annonce du Père Noël. On est d'accord ? Je suis le mec en qui vous pouvez avoir le moins confiance. D'accord. Ok. Un peu klepto, un peu machin. C'est pour quelle nuit ? Attends, 24 sur Birchwiller. C'est pour quelle nuit ? Oui, je sais. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame, j'appelle pour l'annonce que vous avez passée, vous savez, pour le Père Noël. Ah oui, bah, quittez pas, tiens, va voir. Oui, il faut pas que le petit soit à côté, évidemment. Oui. Ah bah ouais, c'est le petit qui était à côté, comment il s'appelle ? Oui. Il s'appelle Mathieu. Mathieu, très bien, il a quel âge ce petit ? Mathieu, il a 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, très bien. Bon, moi j'adore les enfants, hein, vous l'avez remarqué, hein, j'aime beaucoup. Oui. J'ai un super déguisement, donc je viens avec mon déguisement. D'accord. Voilà, je peux distribuer des cadeaux. Oui. C'est ce que vous recherchez ? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, et surtout, je suis disponible du 24 au 25 décembre. Ah oui, non, mais il y en a une heure, ça suffit. Oui, non, mais je me doute bien que c'est pas deux jours, mais je voulais dire j'étais dispo à cette période, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Voilà. Oui, bah c'est... Voilà. Parfait. Niveau expérience, je fais le Père Noël depuis quasiment 20 ans. Donc, j'ai la voix, j'ai tout. Hein, Parfait. Quand j'arrive, je fais « Oh, oh, oh, oh, je suis le Père Noël !» Vous voyez, les enfants adorent. C'est parfait. Les parents y croient, des fois. Voilà. Ouais, donc, voilà, il ne faut pas abuser non plus. Alors, voilà. Donc, 20 ans que je fais ça. J'ai un creux de 10 ans entre 2005 et 2015, que je l'ai moins fait. Oui, pourquoi ? 10 ans de prison pour multiples cambriolages récidivistes. Mais aujourd'hui, voilà, ça va mieux. J'ai arrêté tout... Cambriolage récidiviste. Récidiviste, pas récidiviste. Récidiviste. Parce que récidiviste, ça veut pas. Mais bon, ça c'était avant, c'est le passé, il faut savoir pardonner, c'est le soir de Noël. Tout à fait, c'était où les cambriolages ? Région Alsace, Lorraine, enfin j'étais très ciblé. Ah ben chez nous, d'accord. Oui, je quitte pas le. Oui, bah, je vais mieux maintenant, les choses sont réglées, donc je suis revenu habiter, voilà. Donc, mais c'est réglé, hein, voilà, je préfère être honnête. Oui, bah c'est très bien. C'est lointain, tout ça, c'est le passé. C'est... Oui, mais alors là, je suis pas sûre que mon mari va bien vouloir. Non, mais alors attendez, pas non plus. Pourquoi ? Je sais pas. Non, alors vous avez rien à craindre, parce que pour l'organisation, ce qu'on peut faire, parce qu'il faut pas que le petit me voie me préparer, le petit non, Mathieu. Non, c'est ça, mais je précise juste que mon mari est gendarme. Ça risque de poser un peu problème. Alors, je n'ai aucun problème, c'était avant tout ça. D'accord, oui, mais... Non, mais je veux dire, vous n'avez pas demandé... Non, parce que attendez, je relis l'annonce. Je suis à la recherche d'un Père Noël. C'est vous, ça, qui pourra se rendre à mon domicile 24, c'est ça ? C'est ça. Je suis prête à donner 60 euros si vous disposez du costume. J'ai le costume. C'est 30 euros s'il y a le costume. Voilà, il n'est mentionné nulle part absence de casier judiciaire. Non, mais alors, voulez vous préparer où et quand, combien de temps ? Alors voilà, donc ce que je proposais, c'est de ne pas me préparer dans la maison pour pas que le petit Mathieu me voie. Oui, bah, y en a plusieurs, hein, ils sont 6 quand même. Bon, voilà, donc moi je proposais, je me prépare dans une rue voisine, vous me laissez les cadeaux. Bien bien sûr. Vous rentrez chez vous et je vous rejoins 10 minutes plus tard, je sonne à la porte, j'offre les cadeaux. Et puis les cadeaux pour adultes aussi, si vous voulez, je peux vous les laisser, comme ça au moins on fait tout le monde. Ah, en toute confiance, madame, bien sûr. Oui, oui, bah, je gère la totalité de la prestation. Bah, petits et grands. Je me doute bien, je me doute bien. Bon, et si je ne suis pas là au bout de 10 minutes, ne paniquez pas tout de suite, je ne tarderai pas, vous voyez. Bien sûr, je peux même attendre 1 ou 2 heures, je suis assez... Y a pas de souci. Ce qui est extrêmement charmant de votre part, madame. Mais 10 minutes suffiront. Il y a quoi comme cadeau cette année Alors, qu'est-ce qui vous intéresserait? Ah, personnellement, rien, parce que tout ça, c'est lointain, madame. C'est avant. D'accord. Et, okay. C'est avant, mais juste pour savoir si c'est lourd. Vous voyez, c'est uniquement ça que je veux savoir. Ah oui, bien sûr. Eh ben, alors, du coup, il y a des Playmobil. Alors, les enfants, je m'en fous. C'est pour adultes. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme cadeau adulte? Il y a de la valeur. Alors, il y a un sextoy. Oh, vous rigolez là, madame. Ah non, non, je suis sincère, c'est le mien. C'est mon cadeau. Donc ça se revend pas très cher. Okay. Ah bon, ah, écoutez, d'accord. Voilà. Y a-t-il de l'électronique? Vous laissez parce que je veux. Il y a mon mari, à moins que vous vouliez parler à mon mari. Mais oui, je pense écoutez. Que je vais devoir vous laisser. Je n'ai aucun souci. Je peux lui non, parler. Non, non, bah, je vais vous laisser. Alors, si vous trouvez quelqu'un, c'est pour aller chez eux. Je vous souhaite. Alors, madame, dernier détail, est-ce que vous pourriez mettre les factures avec les cadeaux? Ce qui est plus pratique. Bah oui, tant qu'à faire. Les factures, l'originalité, tout ça. Bien sûr, la traçabilité, comme on dit chez les bœufs. Voilà, au revoir. Ah, bah au revoir, madame. Alors, vous prenez pas? Visiblement non. Non, ce manque de confiance de gens. Franchement, les gens ne donnent plus confiance aux gens. L'esprit de Noël, quoi. Restez avec nous dans un instant, les plus beaux SMS de rupture, les plus beaux SMS d'après rupture. Et tout à l'heure, gilet jaune. J'aime bien cette émission. Merci d'être avec nous de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours. Voici The Prince Karma. Tout à l'heure, il y aura Maître Gims et Dadju. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. sur Énergie. On est là. Dans quelques minutes, gilet jaune. C'est ça qui te fait rire. Vendredi, il y aura Jennifer qui sera là. Alors, qui a déjà eu, c'est une question que je pose et qui va intéresser tout le monde, qui a déjà eu dans sa vie un ex ou une ex qui a tendance des fois à revenir à la charge avec des SMS? Non. Non. Non, pas non. Encore. Non, je oui. pas. C'est moi l'ex qui revient à la charge. C'est toi le relou. C'est moi le relou. D'accord, oui. Non. Jamais toi? Jamais. Non. Jamais un ex n'est revenu. Mais non, il est mort, non. Il est décédé. Ah bah oui, elle a mangé elle a mangé ses doigts, le gars. Il était digéré, le mec. Galère, bordasse, ah moi, jamais de fille. C'est, ça, moi, c'est réglé. Pareil, comme dans le public, il y a déjà eu des tours comme ça. Et oui, ça touche un peu tout le monde, ça. Eh bien, voici le top 10 des SMS d'ex. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Je vous fais le début, il y aura la réponse. Hein. Ok. Je t'attends un jour ou mille ans. Enlève la musique. Je t'attends un jour ou mille ans. L'autre répond, pas en bas de chez moi, s'il te plaît, merci. Hey, tant qu'à faire, mille ans. Deuxième SMS. Mais MDR, je viens de croiser à nouveau ton mec. À Notre-Dame de Lorette, t'es sérieuse? Tu m'as jeté pour un vieux mec chauve et tout maigre? J'espère pour toi qu'il a un gros compte en banque. L'autre répond, tout est gros chez lui, ça me change. Merci, bonsoir. Allez, bim. Et SMS suivant. Salut, j'ai grave envie de toi. T'aurais pas envie d'une sucrerie? Tu vois de quel bonbon je parle? Et l'autre, elle renvoie une photo d'un stop tout. Tu sais les bonbons. Stop tout. Des trucs pour les haleines. On continue. Le mec dit, à croquer, smiley. Ah, les mecs qui font ça, petite attention. Et la fille dit, tu veux que j'envoie une capture d'écran de ce message à ta copine? Non, merci, ça va, c'est juste un compliment jeté en l'air. Désolé du dérangement, blaireau. Avoue que tu penses un peu à moi quand tu regardes. L'amour est dans le pré. Et l'autre répond, pour une fois t'as raison, entre les cassos, les gros chiens, les analphabètes, les ivrognes et les beaufs, je dois reconnaître que je pense souvent à toi en regardant l'émission. Suivant, mon préféré, un feu d'artifice, une très belle photo. Et l'autre écrit, une métaphore de notre relation. Réponse, je suis quand même très content de plus sortir avec quelqu'un qui prend en photo des feux d'artifice. Oh merde. Mais question, hello Salomé, qu'est-ce que tu racontes de beau? Je t'invite à boire l'apéro chez moi ce soir? Réponds pas. Je peux t'appeler pour l'interrogation. Et l'autre met non, tu peux pas, désolé, j'ai perdu mon téléphone. L'autre met ah ok. Et 5 minutes plus tard, attends, tu te fous de ma gueule? Il a fait 5 minutes pour capter. Et elle envoie une coupe de champion du monde. J'adore. J'en fais un autre. Oh, je suis tombé sur toi par hasard en fouillant dans mes conversations. Bref, ça va depuis tout le temps. Et l'autre, elle dit, ouais, ça fait un an et demi qu'on s'est pas parlé. Le mec, il fait, ouais, je sais. Elle répond, c'était bien pendant ce temps-là. Je regrette le bon vieux temps. J'en fais encore un. C'est pour ça que je te propose de se revoir. L'autre fait, alors arrête d'insister. Non, je t'ai dit, ça engage à rien de se revoir. J'ai pas envie, c'est clair là. Et le mec, il fait, tu veux de l'argent? Tu veux de l'argent? N'importe quoi. C'est horrible. Le mec prêt à tout. J'en fais un dernier. Hello, j'ai entendu notre chanson hier dans le Uber. J'ai pensé à toi. Réponse, hello, moi j'ai entendu les éboueurs ce matin, ça m'a fait penser à toi aussi. Ah, c'est dur. J'adore. Ah, c'est dur. J'adore, ils sont trop bons. Non, c'est pas dur. Ah, c'est dur. C'est bien, dans un instant, vous êtes prêts à chanter les gilets jaunes? Ouais. Ouais. Comme Johnson sera notre invité, on lui file un petit coup de main depuis le temps qu'on le passe, c'était au moins le minimum de le recevoir avec toi tout de suite. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Bah, la prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis, en fait, c'était vrai. J'ai raté l'offre. Bon, depuis je crois à tout, moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Hein. Eh, mais répétez-le pas. Hein.